On avait la ligne Maginot, les Allemands l'ont. We're sorry. All of our representatives are still assisting other customers. Please remain on the line as we value your call. Et oui, ils ouais, l'ont fait. Le retour. Épisode 6, c'est on atteint des chiffres qui on ne les connaît plus au bout d'un moment quoi. Je vais bégayer. On a jamais enregistré autant d'épisodes quoi. Est-ce qu'il y aura de quoi déjà compter ça après? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a après 9? Je ne sais pas. Bienvenue. Hotline Maginot, le plus grand podcast. À tous. Bienvenue à tous. Nos milliers d'auditeurs qui maintenant. Nous ont beaucoup rejoint. Vous les 14. Depuis l'arrivée de. Depuis le buzz. Et vous savez que maintenant, comme je l'ai dit, ça me regarde mal dans la rue. Et ouais, vois, mais pour tes opinions. Voilà. Rien à voir avec le podcast par contre, boys. C'était pas l'info du jour, mais. Kylian qui se fait attaquer par quelques cyclistes depuis. Ouais, toujours. C'est vrai que j'avais oublié. Ah, mais le dernier épisode, je l'ai réécouté. On fait une demi-heure sur les cyclistes, je pense. Hein. Sachant qu'il dure plus d'heure. En vrai. C'est un sujet qui me dit. Ça me tenait à cœur, d'accord. Non, mais je vois, c'est très important. Comment ça va, les petits amis? Bah, ça va et toi? Bah, ça va. La forme, enfin, je dis la forme, pas trop, parce que. Hier j'étais à Strasbourg, mais je vous en reparlerai. J'ai eu un voyage retour assez compliqué. Je suis rentré très tard. Et pas eu un problème de train annulé ou quelque chose comme ça? Oh, que si, mais c'est à cause d'un cycliste, je crois. mais je pense à cause de quelqu'un qui m'en voulait personnellement et à cause de moi aussi énormément. Ah. Mais bon, je vous raconterai ça tout à l'heure. On peut comprendre. Je vous hype. Restez jusqu'à la fin, c'est très important. Ok, imaginons épisode 6. On l'a fait, oui. Ouais, on est là. Spécial voyage. On est tous partis en voyage il y a longtemps. Ouais, bah. Et puis écoutez, voilà quoi. On avait besoin de se dépayser, voilà. Tout était typique en tout cas. Ah, ça par contre. on s'est régalé. Bah tiens, Kylian. Non, c'est qui est parti en voyage le plus tard, enfin le moins récemment? C'était toi, Brice. C'était toi la carte. Je crois que c'est moi et après Kylian et après toi, je crois. Bah, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu? Ouais, vous racontez le voyage ou les actus insolites de la Corse? Le voyage? Non, ton voyage un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah écoutez, c'était mi-octobre, même un peu plus avant. C'était 4 jours, petit road trip en moto, de Bastia à Ajaccio, tous les jours un endroit différent pour dormir. Et voilà quoi, trop de cool, village ouais. En village et de. Voilà. C'est quoi, auberge de jeunesse un peu? Non, Airbnb et hôtel. Ok. Et la route en Corse du coup. C'est comment, ah, en moto? C'est super beau, hein, t'es toujours content. En plus, nous, on a fait que la côte, donc très très beau. Faut un peu zigzaguer quoi, pour éviter les tirs de fusil, mais. Écoutez, j'ai si vu aucun nickel, panneau avec les trous. Ah. Tu sais, alors qu'à l'époque, les panneaux, tu sais, les panneaux de commune rouge et blanc avec la commune écrite. À l'époque, j'en avais vu pas mal avec les trous de fusil, parce que les mecs passent et s'amusent à tirer, tu vois, c'est l'activité du dimanche quoi. Et là, j'en ai vu aucun. Et donc, je pense que c'est un truc plus propre à la campagne, parce qu'en effet, si tu fais ça sur le panneau de Bastia ou Ajaccio, on va vite te retrouver, quoi. Ou tu peux y aller moyen, oui. Bah oui. Voilà. Moi, j'avais vu ça sur des petits villages, un peu dans les terres, comme ça, quoi. Ou même j'ai dit les panneaux de ville, mais des fois, c'était les panneaux du style Dodane, enfin bref, tous les panneaux, quoi, de la marée chaussée. Oui, putain. Un stop. voilà. Une pub. Tant que tu arrives à le viser, tu peux y aller, quoi. Un arabe, enfin voilà quoi, des panneaux divers et variés. Toujours divers. Pas après, trop diversifié, attention. Ceci dit, ils étaient très accueillants, voilà, vraiment. Oui, bah, parce que tu t'appelles Brice. Et oui, voilà. Il y a un lien, je pense. Ouais, après. Puis la corrélation entre vos idées, donc derrière, il y a deux liens en fait, entre toi et les Corses. Oui, le repas s'est bien passé, quoi. Ah oui, bien sûr, en Airbnb, les gens voyaient directement l'autocollant, sur mon véhicule de la flamme. Journaux, la flamme floquée sur toute ta moto. Voilà. Même de certains journaux, hein, voilà. Et donc, c'est vrai que la discussion était plus facile après. Puis c'est vrai que t'as amené un petit peu de lecture, ton magazine préféré Frontières, il me semble. C'est ça. Et aussi la biographie de Bardella, et du coup là je l'aurais même laissé. Dès qu'ils viennent dans le sud, ils me la rendent. Ouais. Si tu dois faire du bricolage, Brice, sur quel chaîne? Ah putain, mais c'est ça l'actu du jour en vrai. Pardon? C'est vrai que c'est ça l'actu du jour. Si tu dois aller faire du bricolage. Ben je vais plus chez Leroy Merlin, c'est n'importe quoi. Boycott, bien sûr. Et tout aussi, le roi Merlin en plus, on est des gauchias. Ah, mais c'est vrai en plus, on a tous une histoire à le roi Merlin. On a bossé avec Brice et puis toi ta mère. C'est la patronne. Oui, et moi ma mère. C'est elle qui a fait le tweet pour dire qu'ils arrêtaient le partenariat. Elle, ouais. Elle se fait attaquer, ça y est. Putain. Alors qu'en vrai. Bon, bref. Bon, voilà, ça c'est pour moi, pour la Corse. Je parlerai des petites actus après. Bah, superbe, okay. Kylian, est-ce que tu veux nous raconter ton voyage à Séoul finalement? Bah ouais, écoutez, donc Corée du Sud, incroyable. Franchement, pour le coup, vraiment des paysans de fou. Enfin, rien de ce qu'on avait pu faire. Non mais, c'est même pas une vanne. Absolument une typique. Vraiment typique, genre l'écriture n'est pas la même, enfin c'est fou quoi, genre non en vrai on a fait mais par exemple sur une échelle de tradition et de modernité, où est-ce qu'il se placerait? On est tout pile au milieu, tout pile entre tradition pile et modernité. Putain, vraiment pile, c'est fou ça. Y a pas, en termes de pourcentage, ça dépasse pas d'un poil. Si tu devais vraiment donner... un bon 40, Brice, un bon 40%. Vraiment pile au milieu, la moitié, pile au milieu. pour ceux qui ont pas la vanne, du coup, c'est parce que Brice a dit un truc pareil avant qu'on enregistre. Donc, vous avez fait un calcul de tête. Et non, en vrai, donc on était, franchement, enfin, on s'est dit avec Noémie et tout, l'hôtel qu'on avait la première nuit, enfin, les 8 premières nuits, pardon, c'était hyper bien placé. Genre, du coup, le soir, on rentrait à l'hôtel vers 16h-17h, et après, on ressortait pour bouffer, il y avait plein de trucs autour. La nuit, tout est hyper éclairé. Il y a beaucoup de buildings et tout, un peu style. Enfin, Noémie m'a dit ça. Il y a un délire un peu New York sans que ce soit aussi grand, quoi. Et elle est allée à New York. Ouais, elle est déjà allée à New York et au Canada. Stylé. Et du coup, elle a dit il y a un délire. Et l'accent. En vrai, le bah, elle parle de la même langue, donc. la dernière nuit, on a fait une nuit dans un hanok, qui est une maison coréenne. Le capitaine, oui. Typique de là-bas. Et oui, le capitaine hanok. et alors, pour le coup, un peu le délire. Enfin, en fait, on parle souvent de jardin japonais, le délire, tout ça. Bah, en fait, c'est vraiment le même délire en Corée, pour le coup. C'est une maison où tu rentres, t'as plusieurs espaces. Et tu rentres, t'as un genre de une petite cour au milieu avec des bonsaïs, des trucs, voilà. Et ensuite, t'as plein de petites pièces autour et les gens... Bonsaï, le film avec Christian Clavier. Je l'ai pas. Attends, c'est pas avec Christian Clavier, c'est avec Coluche, je crois. Ah, Bonsaï, le YouTube, le YouTuber. Le YouTuber aussi. Donc voilà, non, en vrai, on a, alors par contre, désolé déjà pour les Coréens ou les bandeurs de Corée, oula. Ou les bandeurs de Corée. Alerte racisme! Alerte racisme! Attention! Alors non, mais ça viendra sur l'actu perso de la Corée. Mais, mais en vrai, ils ont de la bouffe de merde. Enfin, ils bouffent de la merde. Il n'y a aïe. Rien de bien. Je attention! Pas. Je modère mes propos. Si le poulet, c'est exceptionnel. Comment tu n'as pas pu bien manger, en fait? Ça me paraît impensable. Mais bon. Alors. Écoutez, le gochujang, c'est coréen. Le oui, kimchi. Oui, mais du coup, tu... Oui, je sais, je sais. Oui à tout pour l'instant. Laissez-moi nuancer. En gros, il y a d'un côté, soit c'est trop sucré, soit c'est trop piquant. Exemple, on est allé dans un... Non, mais on est allé dans un truc où ils faisaient des toasts un peu... Enfin, vraiment le délire de là-bas, tout ça, de la pâtisserie de là-bas, tout ça. Ils mettent du beurre sur les toasts, donc jusque-là, rien de fou. Hein. Mais en fait, après, ils te mettent un petit pot de beurre à côté et le beurre est sucré. Ce qui est très étonnant quand on sait que ici c'est du beurre doux ou salé et que du coup, ton pain est nature et tu rajoutes du sucre dessus. Donc déjà, ça, c'est terrible. La bouffe, elle est soit piquante, soit trop sucrée, soit les deux en même temps. Parce qu'ils mettent du sucre partout. On a bouffé des... Tteokbokki qui sont des genres de trucs de riz en fait à base de farine de riz qui est cuit et c'est un peu caoutchouteux dans une sauce. Et la sauce avait un goût de poisson sucré et piquante. Donc déjà c'était terrible. Après ils ont fait des trucs très bien. On a mangé des corn dog qui pour le coup non, mais pour le coup c'est de là-bas. Pour le coup le corn dog c'est typique de là-bas en tout cas. Ah bon? Ouais c'est coréen à la base. Putain, on dirait un truc de Ricard de con, quoi. Bah, je crois que c'est un mélange, justement, c'est du hot dog ricain et mis à leur sauce, quoi. Et d'ailleurs. Sucré la sauce. Ils m'ont envoyé. Non, non. Il y avait une sauce sucrée, mais bon, au pire, c'était une sur deux. Pardon. Et, mais d'ailleurs, justement, on est allé dans des musées d'histoire, etc. Et c'est vrai que la Corée du Sud a envoyé des groupes de chercheurs dans d'autres pays, dont les États-Unis, et ils se sont beaucoup inspirés des États-Unis pour leur modèle économique et l'évolution de leur population. Voilà. Et donc, non, en vrai, on a bien bouffé à part ça. Juste, ouais, le gimbap, c'est très bon. C'est des genres de gros sushis. Enfin, gros maki, pardon. Avec plein de trucs dedans, notamment des légumes, un peu pickles de légumes, tout ça. Et ils mettent une viande, des tempura de crevettes, tout ça. Le bibimbap, c'est une genre de salade avec du riz et de la viande bulgogi ou quoi, enfin du bœuf bulgogi ou quoi dedans. Très bon aussi. C'est une genre de salade, c'est ça, non ? Ouais, c'est une genre de salade. Et le reste qu'on peut manger là-bas, dans les marchés ou quoi, pas très bon. J'ai goûté du poulet frit dans une genre de chaîne de restaurants de là-bas. Très bon. Je l'ai goûté sur un marché. Honnêtement, j'ai pris une bouchée, je l'ai plus mangé. Enfin, ça avait déjà rien du poulet en termes de texture. Genre, c'était pas très bon. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec le poulet, mais c'était pas très bon. Voilà pour mon voyage, de comment j'ai vécu le voyage. Ça rejoint la liste des pays où en fait les gens disent qu'on mange bien, mais. Mais ouais, la phrase s'est arrêtée, Brice. Mais c'est surcoté, je suppose qu'il allait dire, mais il nous rejoindra plus tard. Ouais, il l'a quitté. Est-ce que t'as bien bu au moins ? Alors, bah pareil, putain, c'est vrai. Bah, attends, finis ta phrase, Brice, déjà. Non, est-ce que t'as bien bu ? Ah, la phrase de tout à l'heure ? Ouais. Ah oui, je disais, il y a des pays où en fait les gens disent qu'on mange bien, mais en fait, c'est pas grâce à leur propre cuisine, c'est grâce à tout ce qu'ils ont emmené chez eux, quoi. Bah, c'est ça. C'est le délire de là-bas pour le coup, parce que tu. Ouais, tu manges bien les trucs importés qui sont revisités à leur manière, tu vois. Ils font pas cher. Bah, ils font du sale bread. Alors, le sale bread, c'est un genre de croissant un peu brioché salé, où dedans, en fait, ils ont mis un morceau de beurre qui a fondu à la cuisson, du coup, et quand tu manges, tu croques dedans, bah, ça dégouline un peu de beurre. Bah, délicieux quand t'adores le beurre, tu vois. Mais j'imagine. Après, t'es français. Oui, moi, j'adore le beurre, attention. Mais j'imagine que c'est pas. Pas de là-bas, tu vois, c'est pas un truc typique de là. Et niveau boisson, donc question de Brice, bah honnêtement, je n'ai bu là-bas que du Pepsi Max. Alors, vous allez dire, machin, c'est pas des paysans, blablabla. On a le premier jour essayé de tester plusieurs boissons de là-bas. J'adore le sucre et vous le savez, hein, quand on bouffe ensemble et tout, moi je peux manger des trucs sucrés, violents, des paquets de bonbons, tout ça. Mais c'était trop sucré pour moi. Je buvais deux gorgées, je ne pouvais pas en boire plus tellement c'était sucré et je me sentais presque pas bien après de la surdose de sucre. Et mais ta meuf aussi ou c'est toi le gros bébé ? Non, vraiment pareil, mais pour le coup Noémie a moins de résistance au sucre que moi. Elle, dès que c'est un peu trop sucré, déjà c'est fini. Commencer à baver. et en vrai, on s'est dit bah vas-y, on teste des trucs zéro. Parce qu'ils ont beaucoup d'alternatives zéro, tout ça, on fait bah ok, pourquoi pas. Bah, c'est pareil, ils surdosent l'édulcorant, donc ça c'est imbuvable. Donc en vrai, que le Pepsi, ils faisaient du Pepsi Max citron vert, très bon, bah on a bu que ça et de l'eau gazeuse, parce que c'est le seul truc où ils mettaient pas de sucre. Et que c'est bon l'eau gazeuse. Bah, calmos. Mais voilà. Pas trop de cocktails, on n'est pas allé trop dans des bars, tout ça, parce que pareil, c'est pas trop le délire de là-bas, les bars, c'est plus les cafés, leurs trucs. Tu tiens pas l'alcool aussi. Franchement, et en plus, je tiens pas l'alcool. Mais donc voilà. Après, t'es au pays pour faire ça. Enfin, c'est connu que les Asiatiques, c'est pas non plus. Ben ouais, là-bas, t'arrives, tu bois un chouïa plus qu'eux, ce qui pour nous reste facile et t'es un roi. Attention, au Japon, par exemple, au Japon, t'as un vrai truc de tu sors du taf, tu vas te mettre minable. Oui, donc, je pense que t'as oui des mais gens je crois là-bas qui doivent... Oui, mais ils sont tués à rien, le saké, c'est hyper doux et tout, en fait. Bah, parce que ouais, c'est en fait, on connaît le saké du resto chinois, mais en fait, le saké c'est genre du vin chez eux, et genre c'est hyper doux quoi. Oui, c'est pas aussi fort que nous, c'est plus une liqueur en France le saké. Ouais, nous on l'a fait en Dijon parce qu'on est des alcoolos de merde, mais là-bas, ouais, c'est un vin quoi. Mais d'ailleurs, je sais pas du coup, j'ai des cadeaux pour vous que oh, bah super, à travers Travers si, le j'en ai depuis 6 mois, donc. Bah, faut qu'on se capte, hein. Vous me dites quand vous êtes dispo et on voit. Bah, pas avant décembre, hein. Enfin, bah, pas avant janvier, de ce que t'as compris la fois. Bon, en tout cas. Qui me croyait que je passais Noël et le Nouvel An en Allemagne, seul. Bah, non. Ah, mais parce que tu l'as dit, moi, j'ai confiance en toi, tu vois. Genre, je me pose pas de questions, je crois en mon ami, mais je vois qu'on se fout de ma gueule, donc. Bah, en même temps. Non, en même temps, j'ai dit que non, hein. Enfin, vraiment, c'était mon premier message. Ah, bah, j'ai pas lu. Oui, t'as pas lu, quoi. Et du coup, toi, Julien, tes petits voyages, tes deux petites péripéties. Ouais, moi, je vais commencer par Amsterdam. Je suis allé il y a pas si longtemps. Je suis allé voir un concert de O2N, qui était, c'était trop bien, franchement. À base, ça devait être un petit concert, c'était même pas salle pleine. Et au final, il y avait des gars bien hardcore et tout. Enfin, bref, ça a bien fait la fête. Il y a eu 3 rappels. Enfin, bref, c'était assez cool. Ça durait bien 2 heures et tout. C'était très sympa. Alors, O2N. C'est un groupe. C'est quoi comme type? Je pense que t'as déjà entendu sans le savoir. Ouais, il y a moyen, ils ont deux, trois bangers, mais c'est entre rap, parfois électro, parfois pop, rap alternatif. Okay. Truc de bobo, quoi. En gros. Ok. Mais ouais, j'aime bien, ça fait des années que j'écoute. Et du coup, voilà, j'y suis allé, c'était très sympa. J'ai fait des rencontres pour vous parce que j'y suis allé seul. Et au dernier, je me suis dit, tiens, on va parler à des gens. Donc voilà, j'ai entre autres, du coup au concert, j'ai parlé à une meuf au dernier moment qui était solo aussi. On va passer le concert ensemble, c'était très sympa. Et au dernier, je suis allé voir une première meuf. Elle m'a mis un énorme vent. Et t'es solo aussi. Ouais, t'es seul aussi. Genre, j'ai fait, mais t'es trop conne. Après bon, je t'ai défoncé, hein, mais. Ah ouais. Bon, je lui ai pas dit qu'il était code, mais je fais, mais височ];└└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ la gonzesse, et la gonzesse, bah c'est sûr que voilà, derrière elle répond pas. Mais j'ai la gueule de parler comme ça, moi. Bah, Brice met des t-shirts avec une croix gammée. On sait jamais, on connaît jamais vraiment les gens qu'on côtoie. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, moi j'étais très cordial. J'ai rencontré un gars aussi la veille qui m'a proposé d'aller sur sa péniche là, c'est sur Amsterdam là. Oula. Tu peux voguer. T'as fait te faire droguer. Ouais, il, ouais. Il était pas portugais donc ça va. C'était quand même une, c'était sur... un vrai bateau qui me proposait. Non pas sa bite. Mais il aurait pu le faire dans le bateau après, attention. C'est vrai. Non mais il était chelou et tout donc j'ai un peu vesqui. Je vais pas donner suite, mais il me suit sur Insta ce malade. Ah super, on pourra. La prochaine fois il sera là avec nous. Ah oui, il arrive lourd, ouais. Je sais même plus comment il s'appelle. J'ai croisé des Belges aussi pendant que je regardais le match de l'OM sur mon téléphone dans un coffee shop. Donc c'était sympa, on a supporté le club. Et puis c'est à peu près tout. Ouais, non, voyage très sympa. J'étais encore dans un capsule hôtel. J'ai fait le deuxième qui était Amsterdam où c'était une ancienne église rénovée. Cool, okay. Très stylé. Et ça marche toujours bien, ça, de toute façon. C'est, enfin. Ouais, alors franchement, ouais, c'était cool. Enfin, c'est tranquille, pas cher, et t'es tranquille, quoi. Ouais, là, c'était un peu plus cher que l'autre, mais de pas beaucoup, quoi. Peut-être de 5 balles ou 10 balles la nuit, quoi. Mais c'est juste, je voulais le tester. Ok. Et au final, bah, je retournerai au premier si je retourne à Amsterdam, parce que bah, c'est la même expérience. Pour moi, vraiment, c'est. Ouais, c'est la même chose, moins cher, donc. S'il y avait le petit déj, mais qui était pas inclus, quoi, mais juste, il proposait le petit déj, alors que là, tu peux vraiment aller te faire enculer. mais non, ouais, très sympa. Bah, ça vaut la 10 fouillée, non, parce qu'il faut quand même le payer 15 balles. Le ah, j'ai cru qu'il était compris pour les 10 euros. Non. Que t'as payé. Ah, oui, non, alors c'est. Non, tu. Ouais, c'est de la merde. Mais ouais, très sympa. Je me suis fait vouveiller par une meuf dans cet hôtel, je sais pas pourquoi. C'est ça le grand âge, hein. Je pense qu'elle était défoncée aussi. Parce que je vais pour check-out, et genre, je devais check-out à 11h, tu vois, et en plus, c'est des check-out automatiques là-bas. Et genre, ma carte, elle marchait plus, parce qu'il était 11h02, tu vois, le temps que je me casse, quoi. Du coup, je parle à une meuf, je lui parle en anglais, déjà, elle me répond en français cash, je lui fais, tu vas me parler poliment. Et après, elle me dit, j'ai pas ma carte non plus, je sais pas quoi. Elle me fait, mais vous pouvez passer par là. Je fais, mais meuf, tu as mon âge. Et ah, bon, je pense qu'elle était. Mais moi, je vous vois aussi dans la, enfin les mêmes. Si toi, t'es avocat, toi. Bizarre. Quoi, tu vous vois les gens. Toi, tu parles à des criminels, toi. T'es obligé de garder d'avoir un peu de respect. Ouais. Non, mais ouais, quand je sais pas, ouais, j'ai tendance à vous voyer. Ah ouais, je suis un gars à la cool. Moi, tant que c'est pas un serveur. Je pense, question d'éducation. Mais toi, Julien, c'est quoi ton avis des serveurs qui tutoient dans les restaurants putain, ou dans les fast-food? Comme tu sais, les fast-food qui s'appelleraient. Hein. Le Big Fernand, ouais. Le Big Fernand, pardon. Ou les frites s'appellent les Fernandines. Avec l'hamburger. C'est quoi ton avis? Avec l'hamburger. Je les déteste, je souhaite leur downfall. Mais j'en suis venu à bout de, à bout de Big Fernand à Toulon déjà. Bah oui, il a fermé. Boycott a marché. Mais il y avait aussi le truc à. Habite plus à Toulon depuis 2 ans, mais le boycott a marché. Bah tu vois, il y avait comment ça s'appelle aussi le truc à la Piadineria, c'est ça Mayol ou c'est un nom comme ouais, ça. Ah oui, ça a fermé, ouais. Ça a fermé aussi. Ouais, putain, mais aussi, ils me tutoyaient, ça a fermé. Non, parce que maintenant il y a tous les corn dogs à la place. Celui qui... Non, on confond. C'est celui d'en face, nous. Il a pas fermé. Ah celui mais voilà. Qui t'a tutoyé. Comment il s'appelait le truc d'en face, pardon. Ah, je saurais pas te dire par contre. Mais c'est un truc pareil, italien, ah, le truc à l'angle. Ouais, exactement à l'angle de sandwich italien. Bon bref, un peu le même délire. Je crois que ça a fermé et pareil, pareil, ça me tutoyait. Non, c'est, je leur jette une malédiction à ces serveurs. Et c'est même pas des serveurs, c'est des gens au comptoir. C'est pire quoi, c'est pire que tout. Bref, j'aime pas. Oui, parce du tout qu'un serveur qui te tutoie au fur et à mesure de la soirée, parce qu'il y a. Non, ça va, moi bon, ça cool. Me va. Ça va. J'apprécie même. Oui, après s'il y a l'ambiance et tout, ouais, pourquoi pas. Mais à la base. La fois qu'on était à comment ça s'appelle le resto italien qu'on était avec Ryan et Kylian. Voilà, le serveur, c'était le pote de Ryan, il nous a tutoyé, j'ai rien dit. Ouais, mais oui, j'ai pas attrapé par le col. Ouais. Alors que c'était le pote de Ryan, il avait vu la semaine dernière, au même endroit, même heure, et juste avec d'autres gens, quoi. Hein. C'était leur pote parce qu'ils ont discuté pendant la soirée. Parce que Ryan est trop... Parce que les serveurs là-bas sont très sympas aussi. Ouais, en plus. De mon ressenti. Ah ouais, c'était bon. Mais parce qu'ils nous expliquaient, enfin bref, comment ils s'étaient payés et tout, là-bas. Je vous avais expliqué ça, moi, une fois. Ah, c'était toi qui nous expliquais, ouais. Ah, pardon. Ouais. Bon, je sais voilà. Plus où j'avais entendu ça. Petite info, désolé française, hein, mais qui vient de sortir. Je vous la cite comme je la lis. Hein. Éliminé bien parce sûr. Que je suis un blanc de plus de 50 ans. J'emmerde ces wokistes. Ah. Boris, sosie officiel de Patrick Sébastien, ne convainc pas le jury de la France à un incroyable talent avec sa version reggae de La Quéquette à Raoul. Voilà, info française. Voilà, bah, comme quoi on emmerde les wokistes. La Quéquette à Cool Raoul, hein, si c'est la version reggae. Et bah, oui. Évidemment, forcément. Putain. Donc voilà. À la France, un incroyable talent. Alors qu'ils acceptent de tout, non? Non, je pense que mais bon, je me dis que c'est pas un incroyable talent. Passer... Oui, voilà. Ouais, c'est ah, France, oui, incroyable oui. Talent. C'est le côté incroyable qui est pas là. Ouais. Ouais, le talent est là, il est pas incroyable. Ouais. Il a le perso. Non, il a le perso. Moi, je suis désolé. Hein. Oui, mais on peut tous ouais, être de Patrick Sébastien, en fait. Non, mais ça aurait pu passer en saison 1. Là, ça fait 40 ans que ça existe, l'émission. Bon. Ouais, putain, c'est vrai. Je sais même plus qui il y a. Parce que maintenant, faut se transformer en live, quoi, pour impressionner un gars. Mais c'est vrai, en fait. Moi, je me demande comment il peut encore avoir des gens avec autant de talent en France. On les a pas tous trouvés, genre, déjà. Mais parce que maintenant, j'ai vu, c'est que, enfin, il y a beaucoup de performeurs étrangers, quoi. Ah, donc finalement, c'est plus du tout la France qui a un incroyable talent. Oui, je crois qu'ils veulent le renommer incroyable talent maintenant, quoi. T'as un problème, Brice, avec. Qui vient pas de la France, non, mais. Donc on perd. Ah, mais je suis d'accord. On peut rien reconnaître, quoi, super. Non, mais oui, je suis d'accord. Surtout, il n'y a plus de gars, quoi. Bien sûr. Après, oui, peut-être qu'il faut juste arrêter, quoi. Ah, si, il faut attendre que les jeunes se trouvent des talents et on recommence dans 5 ans, quoi. C'est vrai. Mais bon. Je suis trop fort à Fortnite, voilà. 20 minutes pendant. Oui, voilà, quoi. Le jury qui regarde un mec jouer pendant 20 minutes, bon, bah. Ouais, mais imagine, il joue les yeux fermés. Là, c'est pas mal. Ah. On va sortir un gars qui a pas regardé son téléphone pendant 12 heures. Tout le monde va l'applaudir. C'était on Nigo fait un peu vieux con là. On fait vraiment un peu vieux ouais, con ouais. Quand même. Non, non mais les jeunes ils font n'importe quoi aussi. Qu'ils aillent se faire un cul. Putain, Fortnite, quoi, couper, c'est extraordinaire. Vous avez vu les skins qui sortent Le Simpson. Il y a les Simpson. Oui, mais ça n'a plus de sens quoi. Enfin, ça nous parle à nous quoi. Alors que c'est pas ah nous oui, la oui, cible. C'est, vrai. Enfin, c'est un peu nous la cible du jeu, mais c'est vraiment pour les enfants quoi. Bah, mais ouais, moi, c'est... Maintenant... Aussi, ils s'en battent les couilles des c'est Simpsons. C'est connu de tout, non, bah, bien sûr, tout le monde connaît les Simpsons. Mais bien sûr, après. Mais bon, déjà, non, tout le monde connaît, mais surtout que. Oui, mais nous, ils ont déjà nous, leur c'est public. Une religion, donc les maintenant, Simpsons, ils cherchent c'est à. Ils cherchent à brasser, oui, mais ils cherchent à brasser. Ils savent très bien que les jeunes, c'est déjà dans leur poche, donc ils brassent autour maintenant. Ouais, mais c'est fou, parce qu'il y a même. Enfin, il y a un skin Tyler the Creator, quoi. Qui est vraiment un rappeur, enfin, c'est pas pour les gosses, quoi. Ouais, c'est vrai, Non, mais c'est fou, quoi. Et c'est pour ça, bah non, ouais, ils tapent les trentenaires, quoi, quasiment, quoi, c'est... Bon, après, regarde, c'est parce que gars, c'est ce que j'expliquais la fois à Brice, c'est eux qui ça, ont quoi. Le pognon, quoi. Ouais, ah, mais en ça, plus, c'est oui, hein. Oui, de toute façon, qui va acheter des skins Simpson? C'est pas les plus jeunes, finalement. Ben oui, c'est ça, je te dis. C'est pas eux la cible, ouais, pour moi. Ça cherche à chier. S'en branlent, les Simpsons, les jeunes. Mais surtout, je pense qu'ils s'en branlent d'acheter des skins, non? Je suis pas jeune. Hein, non, ça par contre, non, je vois mon frère et tout, c'est un délire. Mais ça change la façon dont tu joues au jeu? Rien. Rien, c'est que physique. Ça apporte rien au gameplay, rien du tout. Mais c'est le. Bah, c'est sympa d'en acheter un. Collection, quoi. Je suis désolé, ouais, mais c'est oui, comme les cartes Pokémon en fait. Est-ce que tu les gagnes automatiquement dans le jeu à un certain point? Est-ce qu'il y a une chance d'en gagner des plus ou moins rares? Non, tout ça à l'époque, il y avait, mais non, là maintenant, Rocket League, c'est plus. Tu pouvais gagner des trucs cool des fois. Ouais, Rocket League, ouais, c'était free to play, ouais. Oui, voilà. Mais les trucs. Tu pouvais-tu les acheter? T'avais les trucs, oui, voilà, et puis t'avais certains trucs qui étaient exclus et tu pouvais que les acheter. Mmh. Ouais, les skins Batman, les trucs, voilà, c'est toujours. Mais c'est normal, après, ils font un truc général pour le jeu, mais là, même plus, ils se font même plus chier. Hein. Maintenant, les free to play, c'est paye pour tout, quoi. C'est normal après. Hein. Enfin, ah, mais Fortnite, c'est leur économie, c'est que les skins, quoi. Ouais. Ah ouais. Ouais, ou les boîtes, là, les V-Bucks pour acheter les boîtes. Ça, c'est pour acheter des skins, non? Putain, vous vous souvenez de tous les skins ou d'autres trucs, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Vous vous souvenez de tous ces articles de parents désespérés, leur gosse avait acheté pour 1 000 € de V-Bucks et tout, ils pouvaient plus annuler le paiement et tout. C'est arrivé à mes parents, ça, pour, je crois, 200 balles ou un truc comme ça. Waouh! Combien? Quoi? 200 balles. Ah, ça va, j'ai cru 1 200. Ah non, 200 balles. Il vit dans la rue, maintenant, ton petit frère, non? Non, bah après... Pas il a remboursé ou pas? Non, il a pas remboursé, ma mère elle a fait, t'as pas fait exprès, casse les couilles, tu le fais plus, et voilà quoi. T'as pas fait exprès. Et elle m'a demandé d'enlever la carte sur la Play, c'est tout, hein. Déjà, ouais. Comment la carte se retrouve sur la Play, premièrement, tu vois? Bah, il l'a pris dans le portefeuille, c'est tout, le frérot. Non, je crois qu'ils ont déjà payé pour des V-Bucks ou des trucs comme ça, tu vois, et... Une première fois, je peux avoir 5 €, et la fois d'après 200. C'est comme ça que tu les enlèves. C'est vrai. Ils oublient, tu laisses quelques semaines, ils oublient la carte. Quand même, hein. Bernard Badoff, ça part de ça. Une carte enregistrée sur la Play. C'est comme ça qu'il s'est fait avoir. Non, mais vous voulez qu'on attaque sur les actus? Si vous voulez, là j'en ai une devant les yeux. Allez. Ah bah allez. Hein. Ça date du 1er septembre, enfin l'article que je vois, après ça se trouve l'actu est plus vieille. En Corse, du coup, les collégiens et les lycéens vont recevoir 16 heures de cours par an. À votre avis, dans quelle matière? En Corse? Ça sera qu'en Corse, apparemment. Les champs, ça... Non, pas les champs, pas le fusil, bien évidemment. Ça a été voté, apparemment, à l'Assemblée de Corse. Enfin, suite à l'initiative donnée lors d'une Assemblée de Corse. 16 heures la semaine? 16 heures par an, annuel. Ah, par an? Ouais, c'est un truc local? Enfin, c'est spécifique à la Corse, quoi? Pas vraiment, mais c'est un lien avec la Corse. Mais c'est pas quelque chose que on pourrait faire le même cours dans d'autres villes de France, mais ça serait juste moins intéressant pour eux, quoi, moins utile. Ah, utile. Ouais, moins utile, moins dans le contexte de voilà. Si on fait ça à Paris, bon, ça n'a aucun sens. L'orientation. La natation. Ah, la natation, non. À l'orientation, ouais. Non ouais, plus. C'est vrai que les trucs. Non, mais ça aurait été pas mal. Ouais, de l'herbologie, de la botanique, dans le bac, comme ça. C'est lié à quelque chose, à un problème de société, quoi. C'est lié à un problème de base qu'on fait ces cours. Alors on apprend à détester les Arabes, voilà, dis-le. Ça, parler non. Sans accent. Parce non, que non. Bouger, non, c'est vrai que ça pourrait être utile, mais l'accent tu le perds au fur et à mesure. Ouais, c'est pour ça. Mais bon, je me dis 16 heures par an, bon, c'est pas non plus le truc. C'est un lien avec de la bouffe? Non, aucun. C'est manuel. Non, t'apprends pas. Non plus. C'est un cours, voilà quoi. T'es dans la salle avec le prof, il te parle de ça et voilà. Est-ce que le réchauffement climatique? Est-ce que c'est des sciences? Non, c'est pas de science. Le réchauffement climatique, ça concernerait pas que la Corse, Kylian. Non. C'est un truc entre histoire et éducation civique, en fait. Ce prof-là qui le ferait. Collège-lycée, je pense. Ça serait ce prof qui le ferait. L'histoire d'Italie. Non. Parce que ça a été pendant un temps. Italien. Entre histoire et éducation civique? Ouais, ça serait lui qui ferait le cours, en gros. C'est le prof d'histoire d'éducation civique. Ok. Non, je pense. Ça t'aiderait quand t'es en Corse. Ouais, ça t'aiderait en Corse. Ah, ça fait une bonne. Ouais. Non, mais. un truc par rapport à Napoléon, j'en sais rien. Non, ça va, ok. Il est gentil, Napoléon. En Corse, ça part. Il est parti, Et il est parti, surtout. Oui, voilà. Non, vous voulez que je vous le dise? Non, on va trouver. Non, on va combiner. Il est fou, ce mec. C'est pour sensibiliser les jeunes à une certaine chose. C'est pour les sensibiliser. Ouais. Les armes? Ouais. Les armes, non, non. Et c'est vrai que tu n'a pas plastifié les kebabs. Non, non plus, non plus. Mais ça, ça, tu ou touches. Les préfets. Ah, en vrai, t'es presque dedans, toi. T'es dedans, je veux dire. Une mine, parce que si, je sais pas si. Non, non, non, non, on a dit qu'il y avait rien de technique. C'était une sensibilisation à un problème, tu vois. De... Bah, mais tu y étais presque avec plastifier les kebabs. L'apprentissage de. Bah, l'apprentissage la tolérance. Non. Oui, en quelque sorte. Des préfets ou de ce genre de trucs, tu vois, genre. Pas être raciste. Enfin, pas être raciste. Non, non, rien, pas lié au racisme. Respecter l'institution française. Ouais, aussi, ça y touche un peu. Ouais, bah, je vous le dis, allez, ça, vous êtes dedans. Non, mais vous êtes dedans. Ouais. Vous êtes, c'est des cours pour sensibiliser à la mafia, en fait. Pour que. Ah oui, ok. Aux dérives mafieuses. Ah oui, pour pas y rentrer, oui. Et pour rayer l'influence de ces réseaux en Corse. Parce que bah, là-bas, j'ai l'impression que c'est. Apparemment, c'est important. Et du coup. Ouais, bah, c'est un peu ancré, ouais. 16 heures de cours pour éviter de. Qu'un jour tu te retrouves à poser une bombe sous une voiture, ouais, sans faire exprès. Bah ouais. sachant que le FLNC, là, le Front de Libération de la Corse, a été dissous il y a déjà 10 ans, donc bon, ça arrive un peu en retard comme cours, mais bon. Bon après, peut-être que ça continue sous d'autres noms. Oui, toujours, voilà, bien sûr. Voilà, exactement. Ouais, ouais, exactement. C'est ça. Je vous conseille le film Le Royaume de là-dessus Julien Colonna. C'est sur un père et sa fille où le père est un élu local, je crois, ou un député, un truc comme ça, en Corse. Et c'est un mafieux et il y a des délires de jeux de pouvoir, tout ça, où lui, il est un peu traqué, machin. Et c'est une espèce de road trip avec sa fille en Corse. D'accord, très, très stylé. D'accord. Le Royaume. Mais voilà, okay. C'est lié à ça. 16 heures par an, bon, je sais pas, une fois tous les mois, non, tous les deux, bref. Toutes les trois semaines. Ah, pareil, hein. Des bons calculs ce soir, Brice, en tout cas. Ouais, non, mais je sais pas. Après, ouais, mais t'as les vacances scolaires et tout. Après, tu vois, il faut compter tout ça, bref. Puis c'est quelle zone, la Corse? Bah, j'en sais rien. Zone D, on ne connaît pas. Ah. Non, je pense que. Bah, non, ils ont leur propre académie. Donc je pense qu'ils. Ah ouais. Bah, ça doit être attaché. Oui, comme dans Naruto, aux Zerma. C'est à Nice, je pense. Non, mais. Peut-être c'est comme la note, ouais. C'est Nice ou un truc. Ouais, comme ça. Je pense que c'est zone C ou un truc comme ça. Ouais, une question. Voilà. Donc voilà, c'était ça la première actu pour moi, à peu près récente. Ah bah, je peux enchaîner si vous voulez. Tu peux rebondir. Enchaîne, tu es cool, chaîne. Parce que les Corses, il y a un vrai délire avec ce qu'on appelle le terrorisme. Il y a... ce bruit de couloir. Pardonnez-moi mes chers compatriotes, hein, évidemment. Non, il y a un terrorisme qui touche aussi La Corée, pardon, où t'es allé, hein. En fait, le fait que ce soit qualifié de terrorisme, le nom du terrorisme est marrant, ça reste un truc pas cool. Mais le nom est marrant, et caca. C'est un vrai délire là-bas. Et est-ce que du caca, c'est un truc qui pour nous serait totalement insignifiant, et pour eux c'est un terrorisme parce que c'est fou ce qui se passe. Non, ce serait aussi important en France, ouais. Ok. Je réitère, c'est du caca. Non, toujours pas le caca. Voilà. Toujours pas le caca. C'est quoi, c'est logique ou c'est sur les réseaux, par exemple? C'est une pratique qui est. Mais c'est un vrai terrorisme, genre. Non, c'est pas. C'est vraiment pas faire péter des bombes. Mais touche. C'est un acte alors? Il se passe quelque chose? C'est malveillant. C'est malveillant. C'est très malveillant. Il y a des morts au travail? Pas de morts. Pas au travail. Donc en société? C'est dans la société? Ouais. C'est dans la société. C'est en société. C'est dans la rue? Avec l'alcool? Alors, ce n'est pas dans la rue et ce n'a pas de lien avec l'alcool. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu sais jamais de quel côté il faut se croiser et après ils se battent, non? Je sais pas. Ah putain, ouais. Trop poli ces gens et voilà quoi. Ça me rend ouf, ça. Mais non. Non, c'est pas ça. Mais par contre, j'avoue que ça me rend ouf aussi. Est-ce qu'il y a. C'est un acte dans la rue? C'est un. Pas dans la rue, pas dans la rue. Ah, pas dans la rue. C'est à la maison? En société. Dans le cercle familial? Pas à la maison, et d'ailleurs, Dieu merci que ce soit pas dans la maison. Le P? Ouais, c'est un truc de péter, ça pue. Est-ce que ça pue? Non. Alors, sur le principe, c'est pas quelque chose qui sent très bon, mais. Oui, mais c'est pas le l'indice principal. Ah, c'est le. Comment ça s'appelle? Le fruit, là. Le durian? Ouais, le durian. Non. Oh. Non, avec le fruit. Mais c'est-à-dire, tu l'aurais jeté sur les gens? Mais c'est même pas coréen, je crois, en plus. Non, mais il y a un pays, ouais, je sais plus où c'est. Mais oui, en Thaïlande, c'est interdit dans les hôtels. Voilà, en Thaïlande. Durian, tu mets ton durian dans le frigo de l'hôtel ou dans l'avion, tu te fais sortir. Ouais. Il y a des panneaux et tout anti-durian, c'est un délire. En effet, c'est pour cause, ça pue le mort, hein, donc. Bah, surtout qu'en plus, ça ressemble beaucoup à un autre fruit qui Et pas pareil, le fruit du jaquet ou le truc comme ça, qui se mange et qui a pas de... Aimé jaquet, tu comprends. Ah, je sais pas. Mais pardon, pour vous dire... C'est un fruit qui a remporté la Coupe du Monde. J'avais une chambre d'hôtel en Thaïlande. Malgré le panneau, quelqu'un avait stocké du durian, et c'est peut-être il y a 5 ans, et le frigo, le mini-frigo, puis encore. Putain, les salauds. Puis ouais, l'enfer. Hein. Enfin, voilà. Donc, mais non, c'est pas le durian. Qui laisse sa marque, disons. Ah, ton terrorisme ? Ouais. C'est avec du la sang. Pisse ? Alors, non, mais on s'en rapproche. La merde ? Ben non, il a dit non. Non, il a déjà dit. Entre pisse et sang ? La cyprine ? Plutôt vers la pisse, alors. Le sperme ? Le sperme. C'est ça. Ah, okay. Ah spermer sur des gens dans les transports ? Alors, voilà, c'est à peu près ça. En gros, ça s'appelle le terrorisme du sperme, tout simple. Ok. Donc, le nom de l'article, c'est « Quel est déjà. Ce vidéo sexiste qui frappe la Corée du Sud ?» En fait, c'est tout simple. Hein. Attends, c'est que les hommes qui font ça ? Répandre son sperme sur les affaires d'une femme dans les transports en commun. Ou quoi, pardon ? Ça, c'est une pratique qui consiste à répandre son sperme sur les affaires d'une femme dans les transports en commun. Mais comment ça, avec une petite fiole ? Mais non, en direct. Ah, enfin, qu'importe, en soi, qu'importe. Mais tu en le fais, quoi. B2B. Donc, en gros, il y a eu 44 affaires liées à des attaques au sperme, ils appellent ça. Ont été déposés entre deux. C'est pas bien de rire de ça, c'est dramatique. Attention, c'est dramatique. C'est juste que les mots nous font rire et qu'on a 4 ans et demi, hein, bien sûr. Parce qu'il y a le beau sperme, mais c'est pas bien de faire ça, les enfants. Donc là, par exemple, en mai dernier, un homme a été condamné pour avoir joui 6 fois dans le. Ah, ça, là, c'était dans le café. Aussi. D'une de ses collègues. Non, il y a dans le café. Dans la boisson. Dans le café d'une de ses collègues. Ah ouais, non, ça c'est. Oh, dans le macchiato, quoi. Sa peine, 2500 euros d'amende. Oui, mais 2500 euros chez eux, enfin bon, c'est toujours pareil. Bah, après, voilà, jouer 6 fois, il y a une performance. Peut-être que la France a un incroyable talent, on va l'appeler. Quoi. On n'a pas dit que c'était le même café, il l'a fait 6 fois. Ah non, moi je pense que c'est le même café. Après, ça veut peut-être dire. T'imagines, que non, 6 fois du sperme, le café. Pour son café, quoi. Si elle l'a bu, ça veut dire que c'est. Enfin, vraiment, il y avait un indice, quoi. Il était pas bon. Elle s'est dit, tiens, le café aujourd'hui au travail, il est pas très bon, il faudra changer la machine. Puis tiens, ça fait 6 fois que Patrick me le prend des mains, quoi. Et du coup, c'est un phénomène qui est donc beaucoup en Corée du Sud, mais pas que. Il y a aussi aux États-Unis, où par exemple, en 2020, un homme du Maryland a poignardé une femme avec une aiguille remplie de son sperme. Voilà. Donc les gens sont fous alliés. Hein. Et fait, c'est délire, cool, hein, quand même. Délire frotteur en fait. C'est très. Et voilà, frotteur. Mais là, comme tu le rencontres, c'est même pas frotteur, c'est juste tu spermes vite fait sur quelque chose et t'es content, tu vois. C'est ça. Mais c'est vraiment le délire. Parce que frotteur, le sperme, c'est un résultat du frottement. Oui, c'est vrai. Donc là, de ce que tu nous présentes, c'est directement du sperme, tu vois, c'est ça le problème. Non, mais ça se rapproche du gars que tu nous avais raconté la dernière fois, sur le branleur du Super U. Qui a raconté ça, moi ? Oui, toi, non, Brice. C'était pas tes vacances, je te rassure. Je crois que c'était... Et c'était c'était au rayon, et on était en mode dans quel rayon Rayon, oui, c'est l'extrait. Mais non, mais c'était Brice. J'ai écouté les. Non mais la question c'est moi qui la pose, mais c'est Kylian qui fait la première actu, quoi. Je sais plus, bon, qu'importe. Je sais plus. Ouais, bah, écoutez. C'est un gars à la terrasse d'un café. Contrairement à nous. Oui, c'est vrai, quelqu'un à la terrasse d'un café. Ah ouais, c'est Brice, c'est Brice, c'est Brice. Je suis le seul auditeur de ce podcast, donc je sais de quoi je parle. Je suis notre plus grand fan. Voilà pour mon actu. Bah, l'histoire est pas marrante, le mot est marrant et dramatique même. Voilà. Mais c'est bizarre, on n'a pas ça par chez nous en France. Comment on l'explique ? Bah, on a des frotteurs, bien sûr que si. Bah oui, voilà, mais on n'a pas des frotteurs. On n'arrive pas à se branler autant de fois d'affilée, surtout. 6 fois, vrai, je vous le dis, il y a une perf. Et j'ai peut-être une raison pour laquelle on n'arriverait pas à se branler aussi longtemps. À cause de Macron. Vas-y. Ouais, non, j'annule la blague. Ah là. Non, vas-y, oula. Trop tard. Oula. Oula. On coupera au montage. Si on part du principe que les Asiatiques, la leur est plus courte, ça va plus vite à branler. Ah ! Il y avait plus vite à branler. De recherche derrière. Et là, s'il y a un titre, hein, donc. Plus vite à branler. Je sais pas. Plus petit. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y arrive 6 fois dans le verre, parce que ça va beaucoup plus vite, tu vois. C'est vrai. Et puis, il peut mettre sa bite dans le trou, des trucs ouais, en carton, voir. Là. Ouais, il y a un mec dans la cafetière, en fait. Il y a un mec dans la cafetière et... Ah, putain, ça serait fou, ça. À chaque fois que quelqu'un prend un café, il y a un petit peu de lait et les gens feraient, c'est bizarre, j'ai pas pris de cappuccino aujourd'hui. Pas pris de café au lait. C'est bizarre, Sylvain est un peu essoufflé, mais... Bizarre, ce distributeur, quand même, de café, là. Ok. Du coup, voilà, voilà pour mon actu. Julien, est-ce que voilà. tu as de quoi enchaîner? Attention, hein, c'était du haut niveau, là, donc... Ouais, ça va, c'est pas une allégation sexuelle, mais... Ouais, moi, j'ai une actu d'Amsterdam très très chaude. Un vol KLM qui relie Amsterdam à Mexico a dû modifier son itinéraire et se poser aux Bermudes pour une raison plutôt cocasse. À votre avis, quoi? Le mec, il voulait aller aux toilettes, le pilote? Non. Non, c'est à cause du pilote ou à cause d'un passager? Un ou à passager, cause de l'avion, plutôt, je dirais. Un passager, donc un... Entre il tombe malade. Et quoi. Est-ce qu'il y a malade. Une question d'odeur? Une question d'odeur, mais elle vient de quoi? De son repas qu'il a apporté? Non. Non? De lui, de son caca ou de son pipi? Non. De c'est son pas un passager. Ah, c'est quelque chose dans l'avion qui pue? Une hôtesse de l'air? Dans les bagages? Pas ou un... Il y avait quelque sport, chose dans les bagages. Bon, du rien. Ah! Quelque chose dans la soute. Un animal mort? Ou vivant? Un animal, mais pas mort. Un animal en un chien en soute? Qui voyageait en soute? Non. Un singe? Non. Qui aurait réussi à ouvrir sa cage et celle de tous les autres animaux. Mais quel animal pue autant en fait? Une vache? Non, c'est pas une question de puanteur. Bon, elle va rentrer une vache dans un avion derrière. Ah, je pensais qu'on avait arrêté l'avion parce que ça pue. Moi, je m'invente une histoire parallèle. Non, on l'a arrêté. Ça a un lien avec l'odeur, mais j'imagine que et avec un animal. L'odeur d'animal. Ok. Maintenant, faut qu'on trouve l'animal, quoi. Ouais. J'ai dit une vache, mais ça serait très peu pratique dans un avion, je crois. Bah, ouais, carrément. Déjà, petite taille ou grande taille, l'animal? Il y en avait 100, tout simplement. Des poissons? Ah, putain, des cafards ou des... Oh. Des rats, non. Des souris? C'est plus gros que ça. Plus gros, putain. D'où le fait qu'il y ait une odeur dans mon corps. C'est marin? Des alligators? C'est pas marin, non. Les serpents, ça pue pas pour moi, alligator non plus, enfin, je sais pas. Ouais, mais après, t'en laisses 100 dans un endroit fermé pendant... Des hamsters? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non. Des ânes? Non. Des lapins? Petit. Ah, non. Ah. Attendez, on connaît 4 trucs. Vous tournez autour, on est à la ferme. Non, il y en avait 100 fois ouais. Le même. Des poules? Oh. Non, pas des poules. Ah, j'ai cru. Des oiseaux? Des renards? Non. Des vipères? Non, chercher un animal qui pue, vous allez trouver quoi. On ne cherche pas nous. Oh, des porcs. Non, mais je cherchais pas sur Google, mais cherchez dans votre. Non, mais un cochon. Eh oui, 100 cochons. Mais qu'est-ce que faisait 100 porcs dans un avion? Ça prend vachement de place. Ben, je vais vous lire tout ça. Tout se passait bien à bord. Le Boeing 787 de KLM avait décollé sans encombre de l'aéroport d'Amsterdam aux Pays-Bas vendredi dernier. Direction Mexico au Mexique, sympa de préciser. Pour un vol transatlantique sans escale. Au bout de 6 heures de vol, une mauvaise odeur a commencé à envahir l'habitacle. Donc ça a mis un peu de temps quand même, hein. Il y a eu une fête. Il y a eu un after chez les ports. Le pilote a alors décidé de se poser rapidement à l'aéroport le plus proche aux Bermudes d'un territoire britannique situé de... Bon bref, merci monsieur Géo. L'origine de l'odeur avait vite été trouvée, pardon. L'avion transportait 100 porcs dans la soute. Les effluves avaient en réalité atteint l'habitacle de l'appareil. Appareil, oh là rapporte là. Business Insider. Le pilote n'a pas hésité à faire une pause au grand air pour évacuer les mauvaises odeurs. Mais comment ça, ils sont partis après? Ils ont fait, on ouvre un peu les fenêtres, on repart. Il a ouvert la justement. Porte pendant qu'ils étaient à 2000 pieds. Juste 10 personnes qui sont mortes. Oh, ça daube. Au milieu fébraise. Les 259 passagers et membres d'équipage ont quitté l'avion et ont été hébergés dans des hôtels autour de l'aéroport. Dans le même temps, un vétérinaire a été appelé pour vérifier l'état de santé des cochons. L'aéroport a partagé une vidéo sur Instagram montrant le transfert des cochons dans un autre avion de KLM au son du générique du dessin animé Peppa Pig. Et oui, les coquins. Et du coup, après, ils sont repartis le lendemain matin. Dans le même avion. Ils sont arrivés 26 heures plus tard. Super. Bah, du coup, ouais, les cochons, ils ont été déplacés. Ça me rendrait fou d'arriver 26 heures en retard. 26 heures de retard casse les couilles, hein. Et ce qui est fou, c'est que l'article finit par « L'histoire ne dit pas pourquoi 100 porcs ont été envoyés des Pays-Bas au Mexique. Oui, » C'est ce que j'allais demander. Ils ont essayé de... Peut-être à l'intérieur d'eux, il y a... Il y a de la drogue. De la drogue ou quoi, ouais. Ouais, peut-être. Ouais, du coup, ils se sont retrouvés au Bermude. Bon. Super. Bon, non, on les a ramenés, pardon. Oui, ils retournent aux Pays-Bas. Ah oui, on ne sait pas ça. Donc, vers où ils sont repartis, les cochons? À destination? Bah, c'est vrai, ouais. Je sais pas. À l'origine? Putain, les journalistes, ils font pas leur boulot. À l'abattoir. Putain. Mais. Bah ouais, il y a pas marqué. Non. Bon, bref. Ouais. J'allais dire, mais comment ils sont allés au Mexique, hein. Ouais. Il va gueuler le propriétaire. S'ils étaient attendus, ouais, c'est ça, il faut se dépêcher. C'était attendu, la teuf. Mais t'imagines, déjà, ça veut dire que pendant 26 heures, ils ont pas bouffé, en plus, j'imagine. Enfin, oui, bon, c'est vrai. Bon, après, ils bouffent du carton, des papiers, les bagages. Ouais, t'envoies tes cochons par... un vétérinaire, non, peut-être qu'il a dit, bon... T'envoies tes cochons par avion, on leur donne pas à manger pendant 26 heures, super, tu peux plus rien faire. Ouais, putain, c'est pas une bonne... KLM, faut boycott, voilà, comme le Romain. C'est pas une bonne pub pour eux, pour les cochons, ouais. Oui, soutien aux cochons, hein, qui en ont chié, hein. Littéralement, je pense. Ouais. Mais c'est fou que personne ait dit avant qu'ils rentrent dans l'avion, ça va puer les gars, hein, dans 3 heures. C'est fou que ça en soit arrivé jusque-là, quand même. Mais c'est vrai que comment tu les charges déjà et tu te dis ça va bien se passer. Non mais avec toutes les règles en vigueur, toi on te fait chier parce qu'en fait ton shampoing il y a 1 millilitre en trop. Les cochons, 100 cochons, on a fait oh les gars ça passe. Ouais, t'avais fait traverser l'Atlantique. T'as un mauvais souvenir, Varys, pour le prendre personnellement. Non, moi j'ai jamais eu aucun problème. Enfin, j'ai jamais dû laisser d'objets. Ah oui, ouais, bon, j'ai jamais dû rien. Ah oui, putain, mais c'est vrai, j'avais oublié. Ah, vous vous souvenez à Budapest? Ah, les ciseaux aussi. Les ciseaux, alors, ouais. Les ciseaux, c'est fondé. Maintenant, si l'aéroport les ciseaux, de c'est Nantes. Moi. Ouais. En plus, c'était moi. Comment ça, c'est toi? Bah, c'était mes ciseaux, j'avais gardé. C'était pas moi? Non, à l'aéroport de Budapest, c'était moi qui avais des ciseaux. Mais je crois bien qu'on a la vidéo. Non, toi, c'était à Londres, Brice, je crois, qu'on est revenu. Ah, ok. Peut-être, bon. Que t'avais ta trousse avec... C'est ça, j'ai votre collier, moi. Moi, on part avec l'école, je prends ma trousse, je suis un bon élève. Un maladin. Et non, et c'est vrai qu'à Nantes, il m'est arrivé cette histoire où j'ai acheté un fromage et la douane me l'a volé. Avec la trousse. Mais les gars, ça arrive, tu prends ton sac à dos, t'oublies de vider. Tu sais, dans le ISPAC, t'oublies de vider la poche de devant, là. Tu mets n'importe quoi, et un jour, voilà. Mais je crois bien que ce qui est fou, c'est que ça soit passé à l'aller et pas au retour. Donc ça pose des questions. C'est sur la sécurité. Ça, c'est que Marseille, ils s'en battent les couilles. Quoi, ouais. Mais Marseille, ils s'en foutent de tout, je crois. Tu passes n'importe quoi. Tant qu'il n'y a pas 100 ports, c'est bon. Oui, par contre, 100 ports, on arrête tout. C'est pas une blague islamophobe, attention. Attention. Et ouais, enfin, donc, moi, c'est vrai que le fromage à Nantes. Mais en plus, vous souvenez l'excuse, c'est attention, il est trop mou ce fromage. Le fromage à pâte dure, c'est ok. Le fromage un peu trop mou, c'est pas ok. Et là, le mec, vous ai pas regardé. Parce qu'il vous a posé la question en plus, non? Non, il a dit c'était moi mon ça avis, que c'est baiser. Mou. Et moi, je lui ai dit, mais je pense que c'est dur, c'est clairement dur, regardez. Enfin, si j'en coupe une tranche, il ne coule pas. C'est ça pour moi l'indicateur. Et le mec, il a dit, bah non. Et du coup, il nous l'a volé. Ah il l'a goûté. Ouais, il a goûté avec lui. Hein. Il a fait, non, en plus, il était vraiment un peu du bon fromager et tout, quoi. Il était emballé, enfin, il y avait tout allait bien. C'est la première fois que je vois ça. Mais alors, bah, du coup, pour le coup, vrai truc aussi, c'était quand on est rentré de Séville, je crois. On avait pris de la pâte à tartiner. Et en vrai, on t'as pris l'avion pour aller à Séville. Putain. Bah ouais. Ouais. Bah, départ Marseille. Eh bah écoutez. Direction Séville. Sans verre de pain. Hein. Non bah. Ça finit ça dans 5 ans, le passeport écologique, je sais pas quoi, là, c'est terminé cette histoire. C'est vrai qu'ils veulent arrêter les vols trop courts. Ouais. On verra d'ici là. Mm. Mais en vrai, ouais, donc moi je savais pas que ça comptait en millilitres Bah si. La pâte à tartiner. Ça me paraît logique, ouais, là pour le coup c'est plutôt liquide quand même. Enfin. Oui, mais c'est pas pour moi, c'était vraiment genre de l'eau. Enfin, tu vas faire une parce que en plus sur le principe, c'est pas liquides, de l'eau. C'est par rapport à non, mais c'est par rapport à au fait de pouvoir faire des trucs dans l'avion, style des bombes, des trucs comme ça, je crois. Bah oui. Et du coup, là, ton Nutella, ça rentre dans cette logique. Ça reste une pâte. Et avec du Nutella, je peux faire. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est j'avoue que crêpe, voilà. Ouais. Du coup, j'avais pas le. Pour moi, c'était vraiment l'idée du liquide ou. C'est marqué liquide, en millilitres sur l'emballage du Nutella. Non. Ou c'est, marqué en c'est toujours marqué en grammes. Tu achètes oui, un kilo de Nutella ou des trucs comme ça. Oui, mais tu te rends compte que ça fait 1000 millilitres. Oui, mais... oui, bien sûr. Non, mais après, sur la logique, pour savoir moi, je comment le... il l'avait eu. Après, c'est vrai qu'il pourrait avoir des règles plus précises et surtout communes à tous les aéroports du monde. Au moins, il y aurait plus de problèmes, quoi. Ah ça. Mais bon, si on faisait ça, moi j'ai appris que. L'enfer, parce que les États-Unis, c'est vraiment relou. Ah oui, putain. Bah, sauf eux, parce qu'ils font chier. Vous savez que j'ai appris qu'on peut passer avec la bouteille d'eau, mais si elle est vide en fait. On n'est pas obligé de l'acheter comme tout le monde et d'en racheter une chère. Moi, nous, on prend notre gourde. Oui, on met une gourde en effet. On prend la gourde vide. Mais toi, tu l'as fait pour aller en Thaïlande, t'avais une gourde vide. Ah, elle était dans le bagage en soute. Ouais, je pense. Et après, j'ai acheté des bouteilles d'eau dans tous les aéroports du monde. Bon, voilà. Ah, mais d'accord. À 6 euros la bouteille d'eau, qu'est-ce que c'est? Ben ouais, mais moi, je pensais qu'on nous les vendait cher parce qu'on était obligés un peu, mais pas du tout. Ouais, non. Et en plus, alors, pour le coup, à Marseille, je crois pas, enfin, dans Terminal 2 à Marseille, c'est sûr que non. Mais là, par exemple. Père précis, putain. Il connaît les gens, t'es là, mais je connais les gens. Il travaille avec Philippe, ça va. En gros, non, c'est pas ça. C'est que en gros, t'as là, à Séoul, il y avait des distributeurs d'eau potable et fraîche dans l'aéroport. Ah oui, mais il y a qu'à Marseille qu'on n'a pas ça. Alors qu'à Marseille, tu vas te servir, c'est l'eau des chiottes, quoi. Voilà. Mais déjà à C'est pas Marseille, fait. le terminal, je sais plus c'était lequel, mais qui était en Bah, travaux le 2, pendant des celui qui, années oui, là. mais qui est toujours Là, en c'est travaux, le là, en 1 qui est carton. en Ah, travaux. encore Le là? 2, il est Ah. pas. Ah non, Non, mais le 1 attendez. était en travaux parce qu'ils l'ont agrandi. Voilà, mais lui au moins il est beau maintenant. Ouais, bah non, Le il est beau. 2. Le 2, celui qui dessert la France Le 2, c'est ou de un la peu merde. l'Europe, il est affreux. Ça donne pas envie. Ouais. Bah, Ryanair, en fait, Ryanair, Bah, c'est Ryanair qui c'est paye que pas cher, je Terminal pense. 2, Ouais, ouais. voilà. Vous savez que j'ai une petite Donc histoire encore voilà. par rapport à Marseille et à son aéroport. Un jour, Dites-le. on va pour passer aux bornes. Maintenant, c'est des bornes qui contrôlent ton passeport automatiquement. Ouais. Et ben, Ok. ça allait plus vite de passer avec le mec, faire la queue avec le mec, de passer par la borne. Voilà. Ah Il y bon? avait C'est un deux bot en fait. bornes, 60 passagers, ou je sais pas, enfin, gros, l'équivalent de deux avions. Et ça passait plus vite avec les agents qu'avec les deux bornes. C'était Oh, quel enfer. tout ça, tous ces investissements pour en arriver là. C'était en mode, bah, super. Moi je préfère hein, le vrai Après c'est contact. pratique, hein. Ouais, enfin là, il n'y a pas trop de contact, hein. Il regarde ta tête, tu regardes le papier, il fait OK. Bah justement, moi je préfère ça. Ouais, et puis après, c'est le contact, c'est marrant en France, quand le mec te parle, tu comprends que dalle. Mais Pas ouais, je là. parle anglais, moi, je parle anglais of course. Oui, déjà. Non, mais Du il moins, on parle m'a jamais pas trop parlé. Moi, tous on m'a anglais, posé hein. vite fait deux, trois questions, mais c'était plus combien de temps vous restez? 2 semaines, ok, merci, au revoir. Ouais, c'est vrai. Si, en Thaïlande, ils nous avaient bien mis regarder, tu vois, vraiment, ils te regardent bien, ils font ok le visa et tout. Ouais, il n'y en a pas besoin, Ah ouais, nous mais. aussi, il y a un truc où tu mets tes doigts. Nous, on Ah, a dû mettre attention. notre index Ça, c'est normal, c'est parce que Où dans le ça? cul du mec, dans le cul du Ah oui, mec. ok. De Non, vous notre fouiller. index sur et ils nous prenaient en photo quand à l'arrivée dans le pays, ils nous prennent en photo que Mais si parce qu'il est jamais ils doivent fan. mettre un avis de recherche. Ah, ils sont malins, parce que nous, là, il y a un mec qui vient en France. On n'a pas sa tête. On a juste son passeport, je pense. Là, c'est En Corée, passeport, hein. photo et prise d'empreinte. Ouais, c'est vrai. Pour la Corée? Ouais. Après, est-ce que Eh bien. la prise d'empreinte, c'était pas juste le côté biométrique du passeport, Ben si, mais ça vérifie que c'est bien toi et ton passeport. Ouais. Et puis l'écran rouge qui est apparu quand il a scanné ton passeport aussi, je pense. Par mesure de précaution. L'interdiction de quitter le pays, donc. Ça. T'es encore là-bas là, non? Il est tard là, non? Bah toujours. Bah je parle. C'est en wifi d'ailleurs. C'est tout en wifi. Ok. Non mais voilà. Est-ce Bah moi, si vous voulez, que t'as j'ai une oui. transition de fromage, moi. Parfait, Ah. parfait. Partons sur le Je vais fromage. raconter Après mon. le Parce que sperme. hier j'ai. En gros, bon, je vais raconter une petite histoire. Pour la fin de mon VIE, en gros, je devais faire une visite médicale. Parce que, en gros, pour valider les papiers, je sais pas quoi, enfin bref, ils voulaient que je fasse une visite médicale avec un médecin agrégé, enfin, ou agréé, j'en sais rien, je connais même pas les mots. Bref, qui est une certif trop chiante, machin. Du coup, j'en trouve un à Strasbourg. Déjà, je fais un appel en visio il y a quelques jours pour essayer que le médecin me le signe en léger, quoi, finalement. Parce que je vais bien, hein, globalement, la santé ça va, la famille ça va. Globalement, ouais, je l'appelle, je lui fais, ouais, est-ce que vous pouvez me signer ça? Il me fait, non, parce que je risque de me faire rayer de l'ordre, Oh si là là, demain le vous menteur. mourrez et tout, casse les couilles. Soit, on prévoit une visite sur place, on prévoit aussi de faire le vaccin contre le tétanos, bref, on s'en branle. Ah bah oui, t'as J'y 25 ans, ça vais. y est. Hein. Ouais, c'est ça. Je l'avais pas fait surtout, parce que Ouais, moi non j'ai plus. pas envie de capter la 5G. Oh. Non, pas du tout. Ah ouais, je suis pro-vax, moi. Franchement. Ouais, moi aussi. Et du coup, hier j'y vais, je me lève tôt, enfin je me lève tôt, non pas tant, mais bon bref, je prends un train, j'arrive à Me lève tôt, Strasbourg. 14h30. Non, mais en plus, je me suis pas du tout levé tôt, le train il était vraiment 11h, c'était un scandale. Et bref, mais je me lève, donc déjà ça me casse les couilles. Pour aller faire un truc inutile. Donc pas de souci, je trouve une petite astuce pour payer que 5 euros mon train, bref, la vie royale finalement, j'arrive à Strasbourg, je fais mon rendez-vous médical. Je devais, enfin voilà, j'avais plus rien à faire jusqu'à 20h, jusqu'à prendre mon train retour finalement. Ah oui, du coup, tu t'es Ouais. bloqué, enfin bloqué. Ouais, Ouais, je tu m'emmerdais un passes la journée à peu. Strasbourg, quoi, du coup. Oui, et la seule Tant personne mieux. que je connais de Strasbourg m'a mis un plan aussi, bon Ah. bref. Mais c'est pas la question. Du coup, sur le chemin du docteur, je commence à me faire chier, et là, je vois une meuf, tu sais, qui sert du fromage, là, tu sais, pour faire goûter. Aux gens, quoi, finalement, tu sais, Devant une les fromagerie, un truc comme échantillons, quoi. ça, Ben voilà, c'est ça, ouais. devant une fromagerie. Du coup, je m'arrête, moi j'avais faim en plus, j'avais pas mangé. Petite astuce. Et du coup, elle commence à me parler, machin, t'es du coin, machin, je fais non, elle me fait, bah tiens, moi je fais non, j'ai rien à foutre après. Elle me fait, bah tiens, reviens après ton rendez-vous, machin. Donc moi, je vais faire mon rendez-vous médical, je reviens à sa fromagerie, qui s'appelle, j'ai plus le nom, si, le goût du terroir, exactement. Mais ils t'ont payé à Strasbourg pour dire leur nom ? Ouais. Non, pas du tout, mais j'ai passé un moment délicieux. Non, mais très sympa, du coup, j'arrive, parce que la meuf, elle était seule, elle me disait, ouais, je me fais chier aussi, quoi. Je me dis, bah écoute, moi, demain, j'enregistre un épisode du podcast, j'ai besoin d'anecdotes. Ni une, ni deux, ça me va. Du coup, je bouffe du fromage, je bouffe du saucisson pendant une heure et tout, c'était très sympa, très bon moment. Et après, je lui ai dit, bah vas-y, qu'est-ce que je peux faire, parce que je veux pas t'emmerder toute la journée, qu'est-ce que je peux faire à Strasbourg, quoi. Du coup, elle m'a donné deux, trois endroits, elle m'a donné un super café où aller, je me suis régalé. Je suis allé acheter des BD, des DVD, machin, super, super ambiance. Je suis allé visiter la super cathédrale aussi. Ok. Et après, il est venu le moment du retour, donc il arrive 20h et tout, je prends mon train. Et en gros, putain, j'ai même plus les trajets tellement c'était chaotique. Mais en gros, une catastrophe. En gros, je dois faire, j'ai deux transitions, enfin deux transitions, je pense. On est d'accord, de base, c'est pas très loin, Strasbourg, ta ville. Stuttgart. Strasbourg, Stuttgart, ça doit être peut-être 1h30 de train, normalement, si tu prends un direct ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Ouais, ok. Et donc, départ 20h, voilà, on va se rappeler ça. Fixez-vous ça. Donc, départ 20h. Ouais, ouais. Oui, déjà, il y a une story qui indique que c'était un scandale ce qui s'est passé. C'était la merde. Mais départ 20h, je dois faire deux transitions, je crois. Une, je sais plus où, et une à Karlsruhe. Et en fait, dès la première, je descends un arrêt trop tôt. Donc déjà, une erreur monumentale. Oh, car putain, sachant que carrément, oui. Ah, mais dis-toi que, gars, ma vie a failli... Bah, j'ai failli enregistrer depuis là-bas, quoi. Et mais gars, c'était la plus petite gare du monde. Putain, je dois avoir encore le nom. Ça s'appelle Lang quelque chose. Deux secondes. Putain, quel enfer. Je m'arrête à putain. Ah merde, c'est quoi le nom? Ah oui, mais pardon. Le c'est nom, légal. Le nom ressemblait. Non, mais pas du tout. En gros, mais en fait, c'est parce que en fait, c'est à cause de ces enculés de la DB, la Deutsche Bahn. Ils sont tout le temps en retard, leur putain de train. Du coup, en fait, lui, celui que je prends à 20h, il était déjà un peu de retard. Et du coup, sur l'application. Tu sais, t'avais les gares qui étaient décalées, quoi, en gros. Mm-hmm. C'est de 2 minutes, quoi. Donc, ouais. Et en gros, il y avait un stop toutes les minutes vers la fin vers la première transition, quoi. Et du coup, en gros, j'ai confondu parce que il y en avait une qui devait être à l'heure, qui était remplacée par une autre heure. Enfin, tu sais, genre, il y avait un décalage de une station, quoi, au niveau de l'horaire. Okay. Et l'application, c'était pas mise à jour bien, quoi, en fonction du retard précédent. Et surtout que ça joue à 1 minute, okay. Du coup, entendu le gars annoncer la gare et je me suis fait baiser, quoi. Et vraiment, c'est un peu de ma faute, mais en même temps, j'avais le seum que l'application m'est pas du tout dit, il faut pas descendre de l'espèce de con. Du coup, je m'arrête à Legelschurst. Oh là là. La plus petite ville d'Allemagne, je pense. Et en gros, je regarde, je pense qu'il est à ce moment-là, putain, j'ai pas les... Ah si, je peux dater. Il était 20h40, 20h45 peut-être, quand j'arrive là. Donc déjà, j'ai le seum. Et je regarde le panneau qui indique le prochain train, 22h, 22h11. Oh là là. Donc déjà, je me dis, j'ai envie de pleurer. Mais c'est pas grave. Ouais. Au pire, il y en a un parce que, déjà oui, au pire, je peux quitter cette ville. Parce que en plus, je me disais, en fait, je regardais la suite de mon trajet, je me dis, putain, en fait, en 1h30, je suis au prochain, à la prochaine gare où je dois aller, mais il faut que je me tape 1h30 à pied, quoi. Et t'as donc, pas je commence à me... Mais gars, il y avait son père en fait. Ah ouais. Rien du tout. Et du coup, je commence à marcher machin. Au bout d'un moment, je me dis, mais j'y arriverai jamais. Enfin, genre, je devais faire mon prochain train. Il était dans genre 1h15, un truc comme ça, à la gare où je devais aller. J'avais 1h30. Et je me dis, jamais je le fais quoi. Ah mais si, tu peux marcher genre, plus vite des fois, sur Google. Ouais, mais en fait, tout d'un moment, il me fait passer par un champ où c'était noir complet. Oh là là. Enfin, ouais. Du coup, je devais faire un détour. Enfin, tout était trop chiant. Tout, j'avais horrible. Il faisait hyper froid. Tout trop chiant. Du coup, je me dis, vas-y, nique sa mère, je vais attendre le prochain train. Déjà, et pendant ce temps-là, je regarde tous les prochains, parce que du coup, mon trajet, il est baisé, quoi. Mon trajet où j'arrive... Eh oui, toi, faut que tu changes ta correspondance d'après, quoi. C'est ça. Parce que moi, j'avais pris mon trajet à 5€, donc il était un peu plus long. Du coup, je devais arriver à 23h à Stuttgart, quoi, en gros. C'était genre 20h20, 23h. Voilà, retenez bien ça aussi. Du coup, je me dis bon, pas de soucis et tout. Je commence un peu à paniquer parce que je me dis putain, je vais crever ici. Et du coup, je décide d'aller, parce que la gare de Legelschurst, elle est un peu plus loin de la ville, donc je décide de marcher peut-être 20 minutes jusqu'à la ville, machin. Je me dis, tiens, je vais manger un morceau. Deux restaurants, les deux me disent d'aller me faire enculer, globalement. Super. Donc je me dis, ok, pas bonne ambiance, l'Allemagne. Donc je rebrouche chemin, machin, j'ai le seum. J'avais ma batterie externe, je m'aperçois qu'elle a plus de batterie. Donc je me dis, bon, commence à être un peu long la journée, là. J'étais à, genre à 30%, quoi. J'arrive à trouver un espèce d'autre chemin qui me fait arriver à minuit à Stuttgart. Donc je me dis, pas mal. J'arrive 22h, donc moi j'étais stressé, en mode, ok, je dois choper cette correspondance-là, machin et tout. Je m'étais refait tout un chemin. Je monte dans le train, je descends à l'arrêt juste après, je me suis encore trompé. Est-ce que c'est bon ou pas? Oh là là. Mais oh, là c'était ma faute. Ouais, déjà le premier, un peu ta faute. Mais du coup, un peu ma faute, mais pas totalement. La deuxième fois, 100% de ma faute. Il n'y a pas à dire 100%. Là, en plus, horrible parce que, en fait, l'arrêt où je devais descendre, donc celui d'après, j'avais une transition un peu courte où l'application mais déjà me disait ça va être chaud. Et parfois l'application elle panique un peu à ta place. Enfin bref, où elle dit, tu sais, parce que ton train d'arrivée, tu sais, c'est l'arrivée dans la ville, c'est pas vraiment l'arrivée dans la gare, le train s'arrête quoi. Donc il peut avoir 2 minutes de différence parfois et ça peut se chevaucher machin. Donc l'application okay. Déjà elle disait ça va être chaud mon gars. Donc moi je descends à la mauvaise gare en courant. En me disant putain, mais sauf que moi je commence à les connaître les gares en Allemagne du coup. Au bout de 10 mètres, je me dis putain, je me suis trompé encore, espèce d'enculé. Du coup, je commence à avoir le seum, je commence à presque pleurer hein, parce que là, je me dis bon bah là c'est terminé, je vais mourir ici quoi. Gros bien me fasse, je sais pas ce qui s'est passé, il y avait un autre train qui allait à la même gare 2 minutes plus tard, donc celui-là aussi je l'attrape. Donc là, j'arrive à la bonne gare. Pareil, une transition où je dois courir. J'arrive dans un espèce de train qui me fait arriver à Karlsruhe, genre à minuit, parce que finalement mon truc il se redécale à cause d'une autre transition. Donc là, le point de chute à Stuttgart, il est à 1h. Donc déjà, ça décale tout là. Donc déjà, moi j'en suis à 1h. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais sachant que j'ai payé aucun train, parce que moi à la base, mon trajet devait être payé via mon Deutschland Ticket en gros. Mais en plus, t'as fraudé. J'ai fait que frauder. Hein. Du coup, j'arrive. Je sais même plus quelle heure il est là. À ce moment-là, il doit être 23h30. Je dois attendre 1 heure dans le froid. Sachant qu'entre temps, je me suis fait arrêter par un contrôleur qui me dit t'as pas ton truc et tout. J'arrive à lui arnaquer en mode ouais, le trajet il a fait que s'annuler. J'ai le dos de son ticket, mec. Je vous paye énormément d'argent. Il m'a fait ok. Du coup, ça, machin, j'arrive à Heidelberg, je dois attendre pendant 1 heure dans le froid, il faisait 0 ressenti, moins 1000 à peu près. Oh, putain, c'était horrible. Et là, j'arrive finalement à Stuttgart, il doit être... En fait, le train ne fait que se redécaler, quoi. Donc en fait, c'est pour ça, là-bas, je devais attendre qu'une demi-heure, j'attends 1 heure finalement. Et du coup, en fait, les trams en Allemagne, ils s'arrêtent vers 1h30, quoi. Ou même 1 heure. Du coup, je me dis, putain, ça va être chaud pour rentrer en tram, tu vois. Voir, ça va pas être possible, quoi. Et j'arrive finalement à... T'es en terrain connu, quand même. Ouais, mais derrière, c'est 1h30 de marche, quoi, en gros, pour aller chez moi. Ah, toujours pareil. Si je veux aller dans mon petit village de merde. Du coup, j'arrive à Stuttgart, il est 1h30, donc pas de tram, Uber, et je suis rentré 2h30. Énorme. Oh là là. 2h, pas mal. Beau trajet. Départ 20h, c'est ce que tu nous avais dit. Ouais. Départ 20h, donc j'ai mis moins de temps à faire Amsterdam-Stuttgart que Strasbourg-Stuttgart. Combien de temps, Brice? 20h, 2h du mat? Ouais, 6h. Ah, oh. Environ. Au doigt mouillé. Ouais, voilà, et en gros, je vous dis pas toutes les fois où j'ai failli péter un câble, parce que les trajets faisaient que s'annuler, il y avait full retard. Au bout d'un moment, il y a une recherche qui est Google qui existe de ma part, qui est Hôtel Karlsruhe. Parce que vraiment, il y a eu un moment où je pensais dormir. Bah, c'était fini, quoi, ouais, voilà. Et alors, les gars, il y en a eu 15 000. Ouais, il y en avait un, pas cher, un capsule hôtel, tiens. Ah, bah aussi, voilà, t'aurais pu continuer. Ouais, j'avais vraiment pas envie de faire voyage. Ça. Et sachant que ouais, j'avais plus de batterie, au bout d'un moment. Ça, ou pas du tout? Non, je travaillais pas en ce moment, donc ça va. Mais ouais, au d'un moment, j'ai demandé à un gars de me passer son chargeur et tout. Enfin bref, horrible. Je faisais que péter un câble, vraiment. pas une bonne soirée hein, que j'ai passée. Hein, vraiment, t'as eu le cul de ton téléphone arrivé, ouais. qui a la route, quoi. Ouais. Non, mais gars, c'était fou, quoi. Cette chance, hein, parce que si vraiment il s'éteint, je pense que à ce moment-là, tu pleures obligatoirement, quoi. T'as pas d'autre issue. Ah, mais je me serais suicidé, je pense. Vraiment, non, mais la meuf, quand elle m'a passé son chargeur, je l'ai regardé avec des yeux. J'ai jamais autant aimé quelqu'un, je pense. Non, c'était fou. C'était ouais, un sale trip. Et puis, et après, ouais, Strasbourg. Sinon, j'ai bien kiffé. Ma petite journée, me balader et tout, c'était sympa. Disons que le problème, c'est la deuxième journée après. Ouais, c'est ça. Et le café que t'as fait alors, c'était quoi Ouais, c'est une espèce de pâtisserie où à l'étage, il y a un salon de thé. Ça s'appelle Chez Christian. Voilà, Strasbourg, très sympa. Ah. Super. Ils connaissent pas tous les Christians qu'on a en France. Mais... Bah. Enfin, Chez Cricri. C'est ce que je raconte. Ouais, c'était déjà trop. Mais ouais, c'était très sympa. Mais ouais, une histoire à la base où ça part de moi qui déguste du fromage. Et au final, la meuf m'a fait un plan, une visite guidée interposée de Strasbourg. Donc c'était cool. Ouais. Et la meuf trop sympa, voilà. Ah, c'est des gens sympas dans ces régions-là. Ouais, le Nord, généralement. Ouais. Du coup, je lui ai pris un bleu. J'ai pris un bleu, j'ai été sympa. Ah oui, carrément, en fait, t'as eu, quoi. Tu t'es fait avoir par la société de consommation. Bah, d'un moment, dit deux fois, il n'y a personne dans la boutique. Moi, je sais que le fromage pue la merde en Allemagne. Elle m'en a fait goûter beaucoup trop. Bon, d'un moment, je suis un gars sympa, quoi. Ouais, je comprends. Et là, je vais me régaler. Est-ce que... Là, Julien, t'as un jeu, du coup, c'est ça? Enfin, j'ai un jeu, préparé, si vous voulez. T'as prévu un jeu? Est-ce que ça vous dit, on fait le jeu, on fait les recos, et on fait une partie 2 de l'épisode voyage, à un autre moment? Pourquoi pas? Tu dois y aller. Parce que là, on est déjà, on est déjà à 1h10, c'est que comme on veut se fixer quand même à un... C'est vrai, mais jouons. Un petit 1h20, 1h30 de... C'est vrai, on peut faire ça. Partie 2. Moi, ça me va. Jouons. Allez, jeu. Je vous ai caché un truc depuis le début. C'est que pendant mon voyage à Amsterdam, je vous ai omis ma plus belle rencontre. Célébrité. Je suis tombé sur un fou, mais un vrai fou. Ah. Un mythomane, je pense même. Enfin, vraiment un mythomane pathologique. Ouais, c'est ça. Je vais garder son identité parce qu'il me suit sur Instagram, mais c'est un Américain. Mais je vais l'appeler Steph. Qu'est-ce qu'il t'a raconté, Steph? Et en gros, déjà, pour raconter donc Capsule Hotel, vous voyez un peu comme c'est fait ou pas, du coup c'est genre, ouais. Je sais pas comment, c'est des casiers, quoi. Ouais, alignés, machin, quoi. Moi, je vois bien. Ouais, moi aussi. Et en gros, bah du coup, voilà, tout le monde discute un peu dans les couloirs, enfin, le matin surtout, pour être discret, parce que le soir, tu te fais planter, je pense. Mais du coup, normalement, je reviens de la douche le matin, machin, je vais dans ma capsule, enfin, devant ma capsule pour chercher des affaires, machin, et je vois deux personnes discuter. Il y avait un Américain et une autre meuf, je pense qu'elle était française, enfin je sais plus, mais elle avait un accent, je crois. Et je sais plus ce qu'il lui dit, au dernier moment, j'entends la phrase « Est-ce que tu veux du Xanax, quoi ?» Ah ouais, d'accord. Déjà, moi, ça me fait beaucoup rire. Et la meuf dit « Non, merci, mec, et tout. » Et elle partait et tout, et dit « Ouais, super rencontre, mec, trop sympa et tout, machin. » Moi, ça s'arrête là. Le lendemain, ou deux jours plus tard, le lendemain du concert, en gros, je sais pas pourquoi... Et au dernier moment, moi, pareil, je reviens de la douche, machin. Et lui, il commence à me parler, tu vois. Et il me parle de ses écouteurs filaires. Et je sais pas, il commence à dire des trucs, machin. Déjà la comme discussion. Comme un vieux. Ouais, et c'est un, voilà, pour vous présenter, c'est un Américain de 30, la trentaine, je dirais. Crâne rasé, mais il fait un peu... je sais pas comment dire, le gars cool de Los Angeles, quoi. Un peu machin... Ok. Enfin, sympa, quoi. Veste en cuir. Non, mais gars, je sais pas comment dire, mais. Non, mais il est ouvertement gay, mais tu sais, très à la américaine, quoi. D'accord, ouais. C'est très. Pas la folle, mais. Décomplexé, mais gars cool et tout, trop sympa et tout. Mais il commence à parler de ses écouteurs et tout. Et moi, je l'écoute à moitié déjà, parce qu'il a un méga accent américain et tout. Et... Tu t'en fous, en plus. Oui, en plus. Et je suis défoncé de la veille, hein, je rappelle, donc voilà, je suis en mode, bon, je m'en bats les couilles. Et il me parle, il me dit, ouais, après, de toute façon, moi, les ingénieurs de la Silicon Valley, ils m'ont dit que c'était mieux les filières et tout. Et là, je commence à me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte, quoi? Et là, je me dis, tiens, cette conversation commence à devenir intéressante, quoi. Et alors, t'as appris des trucs avec lui, des trucs très graves. Et là, c'est là que mon jeu commence. Ça s'appelle Steph le Bito. Je vais vous énoncer des phrases qu'il m'a dit. Et vous allez me dire, est-ce que c'est une vraie phrase qu'il m'a dit ou moi qui ai inventé un mytho, quoi. C'est beau. Ouais, j'ai eu l'idée tout à l'heure, je me suis dit que c'était plus marrant de vous raconter cette rencontre. Donc on va l'appeler Steph, c'est un Américain de 30 ans, voilà, très sympa. Et en gros, on a discuté une première partie, ça a duré une heure et demie, ce qui s'est passé, hein, c'était assez long. Moi je voulais pas décrocher, ça me faisait beaucoup trop rire. Donc, surtout qu'il m'a proposé de fumer gratuitement, donc c'était très sympa. Et donc, on a parlé dans les couloirs et après on allait s'installer dehors et tout, c'était encore mieux. Vraiment, c'était mieux que la série Netflix. Ce qui est fou, hein. Moi je pars, j'ai pas la patience, je pense. J'adorais. Ouais. Bon, bref, vous allez voir. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai un jingle. Allez. Hein. À votre avis, est-ce qu'il est acteur hollywoodien? Lui-même. Il l'est. Il l'est, ouais. En effet, il est acteur hollywoodien. Putain, il a joué dans quoi d'après lui? Enfin, là, il y a une carrière qui commence, ça arrive lourd là. Parce qu'évidemment, il est pas du tout acteur, c'est immense fraude. Ok. Mais ouais. Il est élevé par des circassiens. Oui. C'est quoi? Alors, je suis désolé, mais ma culture. C'est les gens du cirque. Ah, non. En effet, non, il m'a pas dit ça. Brice qui est deg premier degré. Meryl Streep est sa prof de théâtre. Ah, il y a moyen. Ah putain, oui. Ouais. Et il m'a raconté des anecdotes perso, n'importe quoi. Ah bah, donne du croustillant. Mais surtout, moi, j'aime un peu le ciné, vous me connaissez. Ouais. Donc moi, en anecdote de ciné, je suis pas prenable, quoi. Et il commence à me raconter des trucs. Il me parle du film Kramer contre Kramer, qui est un film que j'adore, moi. Okay. Ah bah en plus. J'ai vu il y a pas très longtemps en plus. Donc je connais bien le film, quoi. Ouais. Et il me parle de scènes et tout. Bon, déjà il me dit des trucs horribles. Enfin bref, en fait Meryl Streep elle est connue pour avoir perdu un de ses, je sais pas si c'était son mari ou son petit ami, mais il est mort très jeune d'un cancer en gros. Et il est mort comme ça. Enfin, c'était un gars qui, putain, j'ai plus son nom, mais c'est un comédien qui est trop fort, qui joue dans Un après-midi de chien, qui joue dans Le Parrain, qui joue dans The Deer Hunter. Enfin bref, pur acteur ce gars, mais okay. Il est mort très jeune. Il a fait genre 5 films, et dont 4 qui ont eu des Oscars. Enfin bref, c'est vraiment un tueur. Et en gros, il est mort d'un coup machin. Et lui, il me raconte et fait, ouais, Mary, elle était sur le tournage de Kramer contre Kramer. Elle décroche le téléphone, on lui dit que son mec est mort, elle raccroche et dit j'ai une scène à tourner, c'est très important machin. Ah ouais. À chaque fois qu'il me dit des trucs comme ça, il me fait ne le mets pas sur internet mec s'il te plaît. Et après il me fait toute une élucubration parce qu'il y a une scène connue dans Kramer contre Kramer, c'est la scène du procès machin où elle dit parce qu'en gros dans Kramer contre Kramer c'est une famille normale, la mère décide de se casser parce qu'elle en aura le cul de sa vie quoi, et du coup elle laisse le gosse avec le daron. Okay. Et après il y a un procès parce que le daron il s'est attaché au gamin et du coup la mère elle revient et elle veut reprendre le gamin quoi. Bon bref, et le procès lui il est en mode non t'es une connasse et tout, elle fait mais non mais j'ai le droit machin, et en gros il y a une grosse scène où elle déclare qu'elle a le droit parce que normalement la pression des femmes machin et tout. Bref, okay. Super scène et tout. Et lui, il me raconte ça, il me fait. Lui, il me rejoue la scène carrément déjà. Comme un fou. Et après, il me dit. Il commence à détailler tout son travail et tout qu'elle a fait sur la scène et tout. Ça prend des plombes et tout. J'étais cuit. Et après, il me fait. C'est la première fois dans un film qu'il y a une meuf qui parle d'un divorce et tout. Je fais, mais pas du tout. Je fais n'importe quoi, mais je lui dis rien parce que les bitomanes, ils peuvent devenir agressifs, je dirais. Non, mais ah, mais c'est toi, ça. Tu contredis jamais, ouais. Puis tu profites, ouais, et en plus, il me raconte des scènes du film qui sont pas du tout dans le film et tout. Enfin, bref, n'importe quoi. Mais bon, voilà. Ça, c'était l'arc Meryl Streep. Et il me disait, ouais, qu'il lui avait raconté toutes ces anecdotes parce que c'était sa prof d'acting, quoi. Oh! Ah, c'est fort, hein, quand même, hein, le délire. Ah ouais, c'est un tueur. Et alors, attends. Un super générique, vas-y. Non, pardon, petite question. Mais le mec parlait du coup totalement anglais, enfin la discussion était lunaire et en plus pas en français quoi. Ah oui, c'est tout en anglais, oui, c'est en américain. Ouais, ouais, ouais, donc en plus américain des States, ouais. Bah, ah oui, ah mais bah après ouais, j'ai pas capté tous les bouts hein, parce que je commençais à être défoncé et qu'il parlait vite hein. Parce que c'est un gars à Los Angeles, tu vois. Donc en plus ah, ça doit aller vite. Hein. Non mais en plus ça va vite, c'est exubérant et ça prend des passés, c'est ça fait des parenthèses et tout, enfin bref, c'est Ah oui, d'accord. Quand il a une pensée il a une pensée qui va un peu vite. Prochaine anecdote, il est le meilleur pote d'Adèle, la chanteuse, à votre avis? Bah pourquoi la pas? La chanteuse, ça t'a coupé. Ah oui. Ça t'a coupé, non? Ah ouais. Allô? Ah, mais non, c'est bon. Adèle okay. La chanteuse ou Adèle la chanteuse qui fait les films en France? Adèle la chanteuse. Ok, ouais, pourquoi pas. Bah ouais, meilleur pote, tente. C'est son meilleur pote. Ouais, ouais, ouais, ouais, moi je dis ouais. Pas, bien sûr. Et ben en effet. Oh, qui commence à raconter plein de trucs d'Adèle. Ah ouais, non, d'accord, t'es vraiment tombé sur le fou du village, quoi. Genre, Ah mais je suis tombé sur le... Non mais sachant qu'il faut... En fait, quand on a parlé, parce qu'au moment, je pensais que ça allait couper court, parce qu'au moment, il commençait à partir et il me dit, tiens, tu veux pas m'ajouter sur Instagram? Il m'avait déjà raconté le truc de Meryl Streep, tu vois. Du coup, okay. Je lui dis, bon, pas de soucis, pas de soucis, je vais me régaler, quoi. Et en fait, je regarde, parce qu'au moment, il cherche, parce que du coup, on s'ajoute sur Insta. Lui, au dernier moment, je sais plus, il retourne, il cherche un truc dans sa capsule. Du coup, moi, je regarde son Insta, tu vois. Et vraiment, c'est un mec assez seul. Enfin, c'est un peu d'une tristesse abyssale, quoi. Tu vois, quoi, okay. Bah, il a pas du tout de pote célèbre ou quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Ouais, mais de vraiment, tu sais, les espèces de fous que tu peux tomber sur les réels, tu sais. Moi, je suis un gars comme ça, où c'est un gars qui va pas bien, je pense, mais qui se croit dans un délire un peu parano, tout ça. Donc bon, ça fait des bonnes vidéos un peu gaulerie, mais mais tu vois que le gars va pas bien. Lui, c'était un peu ça, quoi. Ou voir okay. Chaque boutique où il va, il dit « lovely time » at machin et tout. Enfin bref, un peu triste sur Insta, mais du coup, il me dit... Enfin, j'ai vu que son Insta était pas suivi par Adèle. Enfin, j'en sais rien, quoi. Mais ça se vérifie assez simplement, quoi. Mais non, il a un autre compte parce qu'il peut pas être... Oui, oui. Pour garder l'anonymat. Bien sûr. Sachant que son nom d'Insta, qui, on rappelle que c'est un gars qui bosse à Hollywood hein, maintenant, ça c'est Stéphane Coachella, quoi. Genre, bon, c'est Stéphane n'est pas son prénom, mais vous avez compris, quoi. Il y a vraiment Coachella collé au truc, quoi. Ça n'a aucun sens. Et vraiment, je lui fais, bah gars, c'est pas du tout... enfin, ça n'a aucun sens que ton nom d'Insta ait un nom de festival. Alors que juste, il était à la Coachella, il m'a filé des stickers de Coachella aussi, bref. Ah là, il ment pas là. Ah par contre bon, là il ment pas. Il est allé à Coachella. Il a acheté sur internet. Oui. Après oui j'y connais rien à Coachella, c'était des stickers de farce et attrapant. Du coup il est le meilleur pote d'Adèle et il me raconte au dernier moment aussi il me montre une vidéo que Adèle elle a fait. Ah, il va comment s'appelle pour en gros pour ses 30 ans Adèle elle a sorti un album. Et en gros, dans cet album, elle a sorti un album et un concert dans un truc, machin. Et lui, il me raconte tous les trucs en mode, elle l'a appelé à 3h du mat, en mode, ouais, j'ai écrit un album dans la nuit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai arrêté la drogue, viens mec, on s'en bat les couilles, on va faire ce show dans un espèce de, comment ça s'appelle, un truc où tu vois les étoiles, là. Tout ça, c'est vrai, elle a vraiment fait un concert, machin, mais sauf que lui, il fait une espèce de transposition de l'espace oui, en fait, où il c'est se ça, croit c'est dans lui, le délire. Il était là-bas, alors qu'en fait, juste il a suivi ça par internet et tout, et il se croit dedans. C'est quoi. Ça. Et genre, il monte le concert, donc j'en ai rien à foutre, en plus, moi, je me pose spécialement Adèle. Donc, il monte ça sur son téléphone, vraiment, comme le pire gars en soirée. Du coup, il monte le concert, machin, il me dit, ah, vas-y, regarde là, ça prouve que Adèle, elle est genre trop silly, tu vois. Ou d'un moment, tu vois, même quand tu vois, elle fait Skyfall pendant que le ciel il tombe, mais tu vois, elle fait une performance de ouf et tu vois, c'est trop bapote. Même quand elle est sérieuse, elle est obligée de faire des conneries et tu vois, au d'un moment, elle tire la langue après Skyfall, tu vois, elle fait, ben voilà, moi j'étais sur le côté, j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Ah ouais, mais moi, c'est trop triste. Ouais, ouais, mais c'est trop triste d'assister. C'est, c'est une maladie, hein. Ouais, ouais, ouais, moi ça me faisait rire, mais. C'est... Oui, c'est marrant sur le problème. Sur le moment, tu te dis c'est marrant, mais pour lui, putain, ça va être d'une tristesse d'avoir ce genre de vie. Fin, quoi. Ah ouais, non, c'est. C'était quelque chose. Allez, prochaine anecdote. Ou pas, ça a pas marché. Ah. Si, ça a marché. Oui, mais ce qui vient de se passer. Alors. Le jour de ses 31 ans, il était défoncé et en larmes. Soudain, il a eu un truc qui s'appelle le retour de Saturne et ça va mieux en fait depuis. Ouais, pourquoi non, pas. Faux. Mais en fait, tout est possible. Ouais, alors, oui, mais il y a un peu la patte. Eh ben, c'est vrai. Ah, voilà. Non, c'est vrai. Je le connais moi maintenant. En gros, il a fait une élucubration sur un truc qui s'appelle le Saturn Return. Genre le retour de Saturne, je crois que ça existe même en français, c'est un truc de l'astrologie, où en gros c'est la crise de la trentaine, mais juste tu peux appeler ça la crise de la trentaine quoi. Et il me dit, ouais, en gros moi j'étais perdu dans ma vie, machin et tout, et à 30 ans, au bout d'une seconde à l'autre, ça a switché totalement. Et en gros il le lit encore à Adèle, où il me dit, ouais, elle c'est pareil, elle a eu son Saturn Return, elle m'a appelé, elle me dit... ouais, c'est bah en fait elle dit ouais, c'est pour ça, faut qu'on fasse ce show et tout machin, mec, viens, je te paye le billet, machin. Enfin bref, un fou et genre il me parlait, il fait ouais, get ton Saturn Return mec et tout parce qu'il me dit ouais, t'es né en février, OK, ça va tomber à telle date et tout, tu vas voir, ta vie elle va complètement changer et tout. Je fais ouais. C'est que ça foutre. Il devait faire une tournée de Beyoncé en tant que danseur, mais il s'est cassé la jambe 2 jours avant. Non, c'est trop simple. C'est toi. En effet, c'est moi. Mais ça aurait pu. Au bout d'un moment, il y a un Chinois qui habite à Londres qui est venu nous faire de la propagande pour le Parti communiste chinois. Pourquoi pas? Oh. Ah, je dirais ouais. En effet, il s'appelait Steven. Et ben bravo. Et il était même pas défoncé, lui. Il nous l'a fait juste pour l'amour du jeu, quoi. L'amour du pays, l'amour du pays. Ouais, ouais, il faisait, ouais, vous savez que les clichés et tout. Pas tout est vrai et tout. On n'avait rien à foutre en plus. C'est vrai que Mao, ça va, quoi. Ça allait. Mais bon, pour mon pote Steph Lemito, ça l'a intéressé. Et lui aussi, il lui a conseillé d'attendre son Saturn Return. Ah, mais. Putain, le mytho qui te parle. Non, lui, c'était pas un mytho, je pense, le Steven, mais. Juste, il voulait nous parler, quoi. Il était cascadeur au Japon. Bah oui. Ouais. Non, ça c'est Orelsan. Ah putain. Ah putain, c'est vrai. Ouais. Il connaît les 1000 premières décimales de pi, mais il a galéré à m'en sortir 5. Oh putain, oui, je veux. J'aimerais trop. Que ça soit vrai, ouais. Et non, je l'ai inventé. Je suis désolé. Ah putain, c'est vraiment dommage. Attendez, le meilleur homme, il connaît. Enfin, le meilleur homme là-dessus, il fait combien de décimales? Je pense les 1000, il les claque facile. Hein. Ouais, ouais. Parce qu'il y a un délire de palais mental. Bah, après, et tout, c'est répétitif. Et puis c'est répétitif, non? Non. Au bout d'un moment, non. C'est un nombre. C'est le mot, mais c'est un nombre infini, quoi. Il y a un mot, il y a un terme pour ça, mais. Il y a une. Ah non, il n'y a pas de pattern, je crois. Il faut juste les apprendre. Non, non, c'est un. Un nombre premier. Bah, je crois que c'est pas prouvé, mais je crois que c'est censé être un nombre. Enfin, c'est pas le mot infini, bref. Mais t'es censé retrouver n'importe quelle séquence de chiffres d'Empi, en gros. Ah, d'accord. Ah oui, genre, d'accord. Okay. Donc, en fait, genre ta date de naissance est d'Empi, quoi. Mais on sait pas où. Ok, enfin, putain. Oui, voilà, elle est quelque part. C'est au début, mais. C'est un nombre univers, je crois que ça s'appelle. Mais c'est pas prouvé, mais je crois qu'on pense que c'est un nombre univers. Je sais pas, aucune idée de comment on prouve ça, d'ailleurs. Mais... Je crois qu'on pourra jamais, hein, c'est le principe. Bah si, parce qu'il y en a des connus, je crois. Et du coup, le mec... Ouais, parce qu'on a réussi à... Bon, le mec, il les savait pas, quoi. Oui, oui. Non, mais non, oui, voilà. C'est la question... Non, c'est mais quoi, c'est, il a jamais dit ça. Le mec, oh, en a mis le... Enfin, est-ce que... Non, mais... Putain, laissez-moi finir ma phrase. Est-ce que... Excuse-moi. Il y a une possibilité que un mec puisse en claquer 1000? Bah, par oui, large. Et je crois que Fabien Olicard, ah, okay. Il a des carnets entiers de décimales de pi que lui il a retenu parce qu'il a des trucs de palais mentaux, machin. Très bien. Qui vérifie ce que dit Fabien Olicard? Il me dit qu'il connaît les 1000, il me les récite et j'en sais rien, tu vois. Ouais, justement, il a des carnets pour que tu puisses le lire devant lui, quoi. Ah, ok. Imagine, il l'a écrit au hasard. Ouais. Il a appris une suite de chiffres. Oui, effectivement, il a juste à connaître. Après, ses carnets. Pour le gars, c'est impressionnant. Après, oui, c'est. Oui, attention. Oui, c'est sûr, oui, tu me sors mes chiffres que t'arrives à retenir comme ça, putain, je suis quand même impressionné. Même si c'est papy, c'est cool, ouais. Je peux faire de 1 à 1000, hein, je peux faire de 1 à 1000 et je peux vous impressionner, hein, donc. Ouais, mais ça, c'est des nombres, c'est pas pareil. Ah, pardon. Aïe, aïe, aïe, aïe. Allez, prochaine anecdote. J'étais bien cool. Allez, prochaine. Il m'a expliqué que les gars en Caroline du Sud étaient pas si racistes que ça. Ah, bah, probablement. Ah, ouais. Il en connaît plein. En effet. Ah, il m'a même dit que les mecs à LA étaient plus racistes pendant 10 minutes. Ah, je pense pas quand même. Ça étonnerait que sur Hollywood Boulevard, il y a des croix avec des noirs dessus qui crament, quoi. Je pense que c'est pas la DA, quoi. Tu lui as pas dit ça, j'imagine. Non, je lui ai dit, putain, ouais, c'est ouf, hein. Chaque fois qu'il me disait un truc. Le fait qu'il ait continué à parler, c'est ça qui est fou, hein. Les gars, c'était fou. En fait, je me suis dit, parce qu'au moment, c'est moi qui l'ai lâché à la fin, quoi. C'est parce que j'en avais ras le cul, quoi. Je voulais me faire un ciné pour me détendre. J'ai dit, je me casse vraiment. Okay. Parce qu'en gros, on a fini d'aller fumer, on est retourné dans l'hôtel, parce que lui, il devait chercher un truc, je sais pas quoi encore. Et au bout d'un moment, il tourne, il me dit, attends, je dois aller parler à ma super pote, je sais pas quoi. Et je fais, ouais. Je vais juste aller traîner en ville. Et après, le problème, c'est qu'il m'a plus lâché, parce qu'après, sur Instagram, il a fait que marceler et tout. Il y a eu une espèce de jeu du chat et de la souris pendant 2 jours entre lui et moi. Assez chiant. Et même là, il m'a continué à m'envoyer des messages après. Oh, putain. Ouais, sympa. Quand il a jeté les cendres de sa mère dans la mer, elles sont restées sur lui. Oh, putain. Non. Eh bien, si. Oh là, il commence à rester, il y a eu un coup de vent et elles sont revenues sur lui. Non, mais tu sais, avec l'eau, machin, c'est resté collé à ses vêtements. Et genre, il est dans l'eau. Ouais, il est trop con. Mais ouais. Et alors, il m'a raconté une scène du film The Big Lebowski, quoi. Vraiment. Quand il est revenu, comme, bah, dans The Big Lebowski, c'est pas dans l'eau, mais c'est quand il les jette dans le vent. Oui, mais c'est moi, dans la gueule. C'est ça, je pensais exactement à cette scène. Enfin, inconsciemment, j'avais elle en tête, quoi. Eh ben lui, il l'a fait dans l'eau, et après, il me racontait aussi. À contre-courant. Il m'a fait un 5 minutes sur jeter les cendres de ses parents. En vrai, c'était assez gaulerie. Et du coup, il me raconte ça. Après, il me dit aussi. T'as tout fait après. Ouais, franchement. Moi, les fous, j'adore ça, en fait. Je ne partage que ça sur Insta, donc c'est preuve que j'adore ça. Mais ouais, après, il me raconte. Ouais, en gros, c'est à dire, quand tu veux déplacer les cendres, ils te les mettent dans un sac, mais en fait, qui est dur à fermer. Enfin, qui est dur à ouvrir, pardon. Et en fait, eux, ils avaient pas de ciseaux. Il y a pas d'ouverture facile. Ils avaient pas de ciseaux, du coup, ils ont dû acheter des ciseaux. Enfin, bref, il m'a dit, ouais, si tu veux jeter les cendres de tes proches, prends des bons ciseaux, quoi. Donc, en vrai, bon conseil. Il a pécho Harry Styles à une soirée. Qui ça? Harry Styles. Ah, putain, oui, c'est sûr. Ah oui, pardon. Bah, pourquoi pas? Eh bien, non. Allez. Oh, putain. Durant l'heure qu'on a passé ensemble, il a proposé du Xanax à au moins 5 personnes différentes. Ah, c'est sûr que oui. Déjà, il y a un au début. Ouais. Ça, c'était pareil. La veille. Mais en effet, il l'a fait. Ah. Que des refus. Bizarre. Hein. Étonnant. Brad Pitt et son parrain. Son parrain, oui. C'est bizarre. En termes d'âge et tout. D'alcoolique anonyme ou... Ah. Brad Pitt et son parrain, c'est... Non. Ça marche pas. Kylian ? Quel âge a Brad Pitt ? Non, ouais, moi non plus. 50-60, je dirais. Ouais, 60. Peut-être. Et lui, non, tu nous as dit pas 60, mais... Non, mais 40-50. Oh, il en est proche, hein. Oui, il oui. Est à l'hôpital en plus, je crois, non? Facile. Oui, je lui ai envoyé de l'argent là. 100 000 euros. Soutien à Brad Pitt. Non, il m'a pas dit. 61 ans. Oh, Brad Pitt. Ah, quand même. Autant et ouais, bah, il y fait pas. Ouais, bah alors je retire ce que j'ai dit, ça peut être son parrain. Enfin. Je dis oui, finalement. Finalement, je dis oui. Non, hélas, non. Ouais, allez, moi aussi. Ah, putain, dommage. Il a acheté un os de dinosaure. Bah ouais, pourquoi pas. Enfin, tout le monde peut le faire, ça c'est pas très très fou, quoi. Pitié. Non, ça c'est Morgan VS et c'est totalement inutile. Et enfin, quand il est arrivé à l'hôtel, le gars du check-in l'a reconnu direct. Genre, Roman, c'est une star. Ah bah bien ouf. Sûr. Ah bah oui. Je connais le patron. Évidemment. Non mais même pas... C'est même pas, il me dit, ouais, j'arrive, parce qu'en plus, c'est un truc où il n'y a pas tout le temps un gars pour te check-in, et t'as genre une tablette pour le faire toi-même, parce que c'est un peu un truc, ouais. Technologie, machin. Ouais. Donc vraiment, lui, il me dit, j'arrive, Il y a un gars qui vient me voir et qui me dit attends, t'es Steph de machin. Ah là là. Je fais waouh, on peut plus être tranquille et tout Amsterdam machin quoi. Sachant qu'il putain, loge dans le pire hôtel de Clodo, hein, vraiment le truc de. Mais oui, en plus, hein, la folie quoi. Il est pas au risque quoi, l'enfoiré quoi. Mais vous savez que j'ai connu un fou comme ça et plusieurs fois moi. Ah mais toi, et lui, c'était vraiment une maladie. Tu bosses dans des bars toi. Eh ben, il y a un des clients, il venait toujours vers 17h à l'ouverture du pub. Bah, c'est vélo ou pas? Non, non, c'est vélo, lui, il est... Attention, faut garder les identités secrètes, on va l'appeler, le fou. Et le fou, chaque fois qu'il venait, ça commençait par je reviens de, tu insères une ville, et j'ai fait tel taf, et il a fait tous les tafs du monde. J'ai fait un stage de cuisine avec le meilleur pizzaiolo d'Italie, je reviens de Paris, là, on a travaillé dans la cyberdéfense et tout. Et moi, je faisais, la cyber et tout, c'est intéressant. Moi, c'est pas très loin de ce que je fais et tout. J'étais étudiant à l'époque, quoi. C'est, voilà. Et des fois, on était deux, non, dans le pub, le patron et moi, et des fois, il me parlait, il me regardait, il m'envoyait un message, il fait, ouais, je t'ai bien eu, je te l'ai laissé et tout. Ah, ça durait une demi-heure, et à la fin, il partait. Et en fait, moi, j'ai eu la vraie histoire, c'est que, accident ou quoi, il perd la boule complètement et il dit des trucs fous tout le temps. Mais c'est toujours. Il vient consommer quoi. C'est jamais le mec qui veut faire marrer quoi. Sur le moment même, c'était pas triste. C'est juste que du coup, tu peux pas parler avec lui. Ça, tu dis, oui, ok. Tu vois. Comme Julien, c'est pas triste le moment qu'il a vécu, Julien. C'est ça, mais derrière, c'est triste. Tu prends du recul et fin. Il y a une histoire triste. Ouais. Est-ce que la reco? Les recos, oui. Cette semaine. Alors. Je vous ai demandé un truc des paysans. Qui veut ouvrir le bal, Boris, tiens. Tiens, Killing Kenyan. J'ai toujours pas trouvé, donc peut-être même jamais. Bah, un truc, en gros, moi j'ai fait un peu genre truc des paysans quand tu pars en voyage, tu vois. Okay. Et truc des paysans, pour moi il y en a deux. C'est la bouffe. C'est toujours des paysans, genre, enfin, franchement, tu bouffes jamais la même chose, même si t'as les mêmes restos, les mêmes trucs, machin. Toujours un peu différent et des paysans. Donc vraiment, même si parfois c'est dégueulasse comme en Corée. Donc la bouffe, vraiment des paysans. Et pour le coup, le changement de, enfin, comment dire, de d'identité linguistique. Je sais pas si vraiment c'est un terme qui s'utilise, tu vois, mais de dire que nous, français, tiré des langues latines, donc c'est pas trop changeant quand on reste sur des langues latines. Même germanophone avec l'Allemagne et l'Angleterre. Mais par contre là, quand je suis allé en Asie, c'est dinguerie. Tu comprends rien à l'allemand ou autre, mais c'est hyper dépaysant d'entendre des gens parler une langue qui est mille fois différente de la tienne. Ok, donc le fait que ça parle vraiment différent et pas juste je suis allé en Angleterre ou je suis allé en Allemagne. Ouais, c'est ça. Et je me dis, ça doit être pareil avec, je sais pas, avec l'Afrique aussi, tu vois. Certaines parties d'Afrique, je pense que ça doit être tellement différent des langues latines que ça peut être hyper dépaysant aussi. Ouais, et après, évidemment, t'as l'anglais régit tout, hein. Et pour le coup, en Corée, ils parlent anglais. Pas genre... Ouais. Ils parlent anglais à leur sauce, tu vois, genre, et ils sont en mode, c'est logique pour eux, sauf que parfois tu comprends rien parce qu'ils parlent avec un accent de ouf de et chez ouais. eux et c'est compliqué, quoi. Après, je sais pas si t'avais fait ça en Thaïlande ou pas. Si, mais pareil, tu parles anglais avec eux et on se comprend. Allô, mais leur anglais n'a aucun sens, quoi. Enfin... Ouais, je... Allô, on t'a retrouvé. Ouais, écoute, on parlait de toi justement, donc on va arrêter. Non, mais je vous entendais. Ah, bon, ça va alors. C'était l'inverse. Que penses-tu de cette reco Enfin, c'est pas vraiment une reco, en fait, c'est juste que c'est ce que j'ai trouvé dépaysant. Non, mais je t'assure que ça marche en Allemagne aussi, parce qu'on comprend pas un traître beau de ce qui bave. Ouais, ouais, c'est vrai. c'est très difficile à la fois de se faire comprendre. Bah, hier, vraiment, quand j'ai demandé mon chargeur de téléphone à la meuf, j'ai l'impression de parler mandarin, quoi. Attends, tu lui as demandé en anglais, elle a pas compris? Ouais, elle a pas compris cette conne. Ouais, conne aussi. C'est son mec qui a dû lui dire. Non, mais ouais. Mais je suis d'accord. Hier, j'avais des Chinois dans le train. J'ai fait une super story. pas raciste, hein. J'ai fait une blague sur comme quoi j'avais atterri en Chine. Bah. Et du coup, c'est en effet, ça dépayse. Non, mais que je m'étais endormi dans le train et que du coup j'ai raté 2-3 arrêts. Ah oui, il y a une blague, ça, c'est la honte, contexte, quoi. C'est la honte d'expliquer une blague, putain, je vais pas vous la mimer, quoi. Il nous fallait tout. Oui, Mais c'est vrai que quelques, en fait, dès qu'il y a le mot chinois, en fait, on peut, ouais, c'est pas possible. Non, mais c'est pas ça, j'ai pris des chinois en photo et j'ai dit j'étais en Chine. Bah, si ça s'arrête là, c'est compliqué pour nous. C'est compliqué. Mais c'est vrai que j'ai pas, Mais nous, pardon, on avait c'était un plan, c'était dans le même train, Oui, c'était un plan serré sur mon visage, pardon, si. Et le son, c'était des chinois qui parlent. Voilà, c'est, je vous ai raconté toute la story. Bah, si tu veux, je peux enchaîner, Kylian, à moins que t'aies un autre truc, Non, moi, j'ai dit les deux que j'avais, franchement. Moi de mon côté, moi j'ai parlé des game shows coréens sur Netflix, donc moi j'en suis totalement addict, donc que ce soit 100% physique, à l'épreuve du diable, ouais. J'ai le choc des tocs, ah c'est exceptionnel, l'épreuve du diable, le meilleur jeu. C'est très technique, il faut vraiment se concentrer dessus et j'avoue que j'ai pas... En fait le problème c'est que le premier épisode il commence par un jeu qui est hyper compliqué alors que c'est juste un loup-garou. Oui. Et juste, il a le jeu a 1500 règles hyper compliquées pour pas grand chose. Parce que c'est tu infectes quelqu'un qui infecte lui-même quelqu'un qui oui. tous les trois tours. Oui, mais après oui c'est ça. Il y a un gars immunisé, après il y a un policier, après il y a des règles. Alors tout ça pour que ça se finisse sur des gars qui ont fait une alliance. Enfin bref, ils ont c'est des gars qui ont hacké le jeu en plus quoi. Donc vraiment c'est trop con. Mais tous les autres jeux sont exceptionnels je trouve. Et ouais, à 100% physique, j'adore. Là, ils ont sorti la version, parce que c'est coréen à la base, et là, ils ont sorti une version où c'est des pays d'Asie qui s'affrontent. Donc, t'as 8 pays qui s'affrontent, exceptionnel. Ok. Après, il y a le choc des tocs, où c'est 100% physique, mais de la boue, globalement. Ah oui, tu... Ouais, c'est que tu des épreuves de fou. Où genre, t'as que des chefs qui sont hyper trop forts contre des chefs, pas débutants, mais qui ont juste un resto, quoi. Alors qu'ils affrontent vraiment des boss ultimes, quoi. Et il y a un espèce de truc de combat des classes, quoi. Parce que je crois que le choc des tocs, c'est le pire nom, mais le vrai titre, c'est genre classe war ou un truc comme ça. Ouais, culinary class war. Donc, ouais, ça, c'est pas mal. Du challenger et un peu genre, tu sais, le manga Food Wars. Oui, un peu le même délire aussi, où c'est le mec vient un peu de nulle part. Bon, au final, le mec, son père est l'un des meilleurs chefs de la Terre, machin, mais c'est un peu le délire du « je combats les gros bourges de merde », quoi. Ouais, c'est ça, il y a à fond ça. En plus, il y a les épreuves aussi. Moi, ce que je kiffe dans les game shows coréens, c'est le format, quoi. Le format du tournoi, du truc, à chaque fois, c'est trop bien fait. Et c'est vraiment un truc de coréen, parce que il y a un même truc que j'ai regardé, ça s'appelle l'Ultime Sélection, ça, c'est japonais. Où c'est genre des anciens sportifs, grands sportifs, ou alors qui ont pas percé comme ils voulaient, machin, ou qui ont un peu raté leur carrière, ils ont une deuxième chance de gagner un truc et gagner de la thune, quoi, pour se refaire. Parce qu'en plus, l'après, quand t'as donné beaucoup de temps et d'argent et de vie à un sport où t'as pas forcément percé, c'est chaud, quoi. Du coup, il y a ce jeu qui existe. Et le format, il est pas non plus exceptionnel, quoi. Les épreuves, elles sont pas ouf. Le système d'élimination, il est pas ouf. Alors que la Corée, tu pourrais mettre n'importe quel connard, vu que le format il est tellement bien, ce serait un banger forcément, quoi. Ah bah après c'est très très compétitif et tout, donc forcément. Ah mais même pas, c'est juste c'est juste les épreuves, la manière de qui va être éliminé à quel moment, machin, il y a du repêchage, machin, c'est l'arc de tournoi est trop bien, quoi. Genre c'est vraiment trop bien, quoi. Okay. Et t'as aussi Sirène, où c'est des meufs de plein de métiers différents, genre t'as les pompiers, t'as je sais plus, les policières, l'armée, bref, t'as 6 ou 8 métiers. C'est des épreuves physiques. C'est pas vraiment des épreuves physiques, c'est plus un. Elles sont sur une île, elles ont toute une base, et une fois dans la journée, il y a une sirène qui va retentir, et la première équipe va se faire prendre son drapeau, elle est éliminée du jour, quoi. Et entre temps, t'as parfois un peu une épreuve de confort, quoi, disons, pour avoir des avantages, ou là où c'est un peu une épreuve un peu plus classique, genre creuser un trou. Bon, une épreuve, c'est juste ça. Et en vrai, bonne épreuve. Mais ouais, moi, j'ai les game shows coréens, je kiffe. Parce que je trouve qu'ils ont des putains de bonnes idées à chaque fois. Et c'est trop fort. Alors que nous, on a Moundir les aventuriers. Voilà, j'ai le seum. Ah ouais. Ouais, mais nous, c'est plus la télé-réalité. C'est différent. Enfin, c'est un type de télé-réalité, mais qui est différent là-bas. Là-bas, ils cherchent la performance. Là où nous, on cherche le divertissement. Après, ça dépend. Parce que je crois qu'ils ont... Je crois que Too Hot to Handle, c'est japonais aussi, je crois. Donc, il y a des trucs. Il y a des trucs aussi de cons. Hein. Vraiment. Tout le monde a sa part, hein, mais. Mais ouais, là, les trucs sportifs, en tout cas, c'est trop bien, quoi. Ok. Et là, ouais, 100% physique, Asie, c'est trop bien, quoi. C'est. En plus, enfin, pas la première fois que tu regardes, en fait. T'avais aimé les... Il y avait plusieurs saisons, en fait. T'as une ouais, il y a deux saisons où c'est du 1v1, quoi. Et là, c'est en équipe par pays et t'as vraiment un truc. Enfin, il y a une ambiance JO, quoi, à la fond, où les mecs, ils font, ouais, cette épreuve, c'était soit je perdais, soit je mourrais sur le truc et tout. Enfin, ah, les gars se battent pour leur pays. Après, bon, ils ont pas invité la Chine, bizarrement. Parce qu'en gros, il y a genre. Turquie, Australie, Japon, Corée, Indonésie, Philippines et Mongolie et une autre équipe, je sais plus. Et du coup, en vrai, l'ambiance est plutôt cool, quoi. Enfin, c'est que des pays qui se kiffent plutôt bien. Ou en plus, t'as des gars de la même discipline. Bah, t'as comment ça s'appelle t'as un peu la légende de la saison. T'as Manny Pacquiao, quoi, qui est vraiment une légende de la boxe ultime, quoi. Donc, t'as vraiment des gros guests. C'est un des plus gros combattants de boxe poids plume de l'histoire, tout simplement. Il a gagné, il est champion du monde dans 7 catégories différentes, donc solide. À peine. Et t'as, ouais, au moment, je crois t'as 3 ou 4 gars du MMA, et en fait, ils se connaissent tous, et vraiment, le premier épisode, quand ils arrivent tous, ils sont en mode « Oh, le bâtard, il est là, et tout. » On va être dans la merde. Parce que t'as l'Australien, t'as Whittaker, moi je m'y connais pas trop en MMA, mais lui apparemment il est connu de ouf, et quand ils l'ont vu arriver, ils avaient le seum les deux gars. Mais c'est vraiment le GOAT pour le coup. Mais ouais, les game shows asiatiques, enfin plus coréens, parce que ouais, déçu par mon Japon. Bah, mais ouais, après, ça je trouve ça trop bien. Il y a d'autres trucs qui vont sortir, je pense, tu verras bien. Non, je boycotte. Parce que c'est vrai. Et toi, Brice, est-ce que t'as trouvé quelque chose ou alors Non, j'ai rien trouvé. La prochaine fois, j'en aurai deux pour m'excuser. Allez. Oh là là. Quel régal. Et bien, sur ce, peut-être que l'épisode va être foiré totalement. J'ai eu des problèmes de connexion. Il y a moyen que rien ne marche. Bon, on verra. La surprise. En vrai, c'était cool. C'était. Oui, c'est cool. Non, mais on aura pris le plaisir. On aura eu le plaisir qui va avec. Non, mais peut-être qu'on refera un coup, mais cette fois-ci, je paierai 20 balles pour avoir la version pro pendant une semaine, quoi. Ah, mais quoi. Après, on divise. Oui, voilà. Et puis en plus, faut essayer de voir. C'est ma faute, là, j'ai pas pensé à recréer un compte pour avoir le premium, bref. C'est un petit peu les deux sous du podcast. On est fiancés, donc on a énormément de thunes. Bah, 20 euros à 3. C'est énorme. Bon, on est financé par, comment il s'appelle, Sterrin, le mec d'extrême droite, là, qui les médias blorés et tout. Là. Ouais, voilà, je sais plus quoi il s'appelle. Bah, c'est lui qui a Frontière. Bon, sur ce. Quoi, ouais, c'est lui, Frontière et plein d'autres trucs. Je crois que c'est lui, annoncer ses Bolloré, j'allais dire, c'est les trucs relais aussi dans les gares. Hein. Ah, putain. Ah, ouais, ça, faudra en parler un jour, hein. C'est un scandale. Bah, j'y suis passé il y a pas longtemps, là. Parce que, j'aime bien m'acheter des petits magazines. Bah ouais. Et vraiment, il y avait l'étalage, quasiment les recos, quoi, mais que des trucs scandaleux de Bardella, oh machin, enfin, bref. Super. J'avais envie de brûler le et le surtout bail, à un prix indécent. Bon. Oui, en plus. Pour ce que c'est. Et bah, pour après, les livres, le prix du livre est unique en France, donc ça bouge pas. Mais tous les autres trucs, oui, c'est un scandale. Le sandwich est à 25 euros, oui. Ouais. Allez, bon, ouais. Sur ce, on arrête. Ouais, bah, on peut dire au revoir à la commu, hein. Bien sûr, au revoir les amis. Suivez-nous, partagez. Attendez, comment on les appelle la commu de Hotline Maginot? Les Maginos. Les Maginos. Les Benoît Maginos. Allez. Benoît Maginos, allez. Bon, allez, ciao à tous les Benoît Maginos. Et puis, suivez-nous, partagez. Ça fait plaisir qu'il y ait eu Lucas encore une fois. Ouais, ça change pas. Il était là. bref, toujours présent. Et la bise. Puis, allez, ouais, bisous. Partagez tous. Et puis allez, à la prochaine. On sait pas si cet épisode a marché ou pas. Allez, bisous.